Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Et oui, nous sommes déjà le 3 février. Et oui, vous êtes bien à l'écoute de Radio Guimauzo, l'émission du lundi soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme de ce soir, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, je lance l'alerte concernant le climat. Hein, et il va nous apprendre un certain nombre de choses. Le média, on a raison de se révolter. Les médias, la télévision libre, comme nous sommes une radio libre, eh bien, il y a une télévision libre qui vit des dons que les auditeurs lui font, que les téléspectateurs lui font. Le média encore, une espionne juive chez les nazis. Elle raconte sa carrière d'agent de renseignement de l'armée française dans les années 44-45. Hein, elle avait pénétré dans les lignes allemandes et elle renseignait donc l'armée française et les alliés sur les mouvements de troupes, sur la mentalité, sur le type d'armement, notamment sur le fait que la ligne Siegfried, qui était le correspondant le symétrique de la ligne Maginot, était abandonnée à un moment donné. Donc ça a permis aux alliés d'avancer plus vite et de ne pas passer par là et de gagner du temps. Et donc de faire durer la guerre nettement moins longtemps. Voilà, vous voyez, un seul agent de renseignement peut changer quelquefois beaucoup de choses. Ensuite, eh bien, Adrien Quatennens nous dira ce qu'il y a entre les vœux de Macron et la réalité. Les vœux de Macron d'une part, la réalité d'autre part. Et puis, on nous parlera aussi des retraites. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Eh oui, nous autres, les électeurs, nous autres, les contribuables, nous autres, les assurés sociaux, etc., on aurait tendance au gouvernement à nous prendre pour des imbéciles. C'est pas le seul gouvernement qui a fait ça. Il y a eu d'autres gouvernements avant, pendant 20, 30, 40 ans, mais ceux-là, c'est vraiment les champions de toute catégorie. Le calendrier des esclavages et des libérations. Nous sommes le 3 février. Eh bien, le 3 février 1829, que s'est-il passé en France? Révolte des demoiselles. Révolte des demoiselles, vous voyez. Début février, les paysans de l'Ariège, de l'Aude et de la Haute-Garonne prennent les armes contre les propriétaires des forêts. Ils se heurtent aussi à tous ceux que le bois, pour qui le bois représente un enjeu, notamment aux nobles, et aux maîtres des forges. La tactique qu'ils utilisent leur permet d'agir par surprise et d'être insaisissables. Ils se déguisent en demoiselles. 1931, Italie. La révolution éclate à Modène. Le duc est contraint de déguerpir. 1951, France. Monsieur Ducoux demande au conseil municipal de Paris que l'on accorde un lieu de réunion aux travailleurs. Il oppose la somptueuse bourse des valeurs aux modestes salles qu'il demande. Il faudra encore attendre 36 ans pour voir naître la première bourse du travail. 1851, bien sûr, hein. 1951, comme j'ai dit par erreur. 1887, France. Le conseil municipal de Paris remet au syndicat de la capitale un immeuble rue Jean-Jacques Rousseau. La première bourse du travail, son but est d'organiser les caisses de chômage, l'enseignement et le placement professionnel. 1900, Europe. Grève à Aix-la-Chapelle, Vienne. Bruxelles, Budapest, les ouvriers des grandes villes d'Europe demandent la journée de 8 heures et des augmentations de salaire allant jusqu'à 20%. Ils se heurtent au refus catégorique des patrons. Rappelons que c'était en 1900 en Europe, donc loin, et en 1900, donc loin aussi. Hein. C'est pas dans la France de Macron qu'on verrait des choses comme ça, que les patrons refusent catégoriquement des augmentations de salaire, etc. Non, non, non, non. Non, non, c'est du passé, ça. Du passé, faisons table rase, dit la chanson. 1944, Canada, sanction de la loi des relations ouvrières. Cette loi oblige les partis à se soumettre avant toute grève à une double intervention du gouvernement, la conciliation et l'arbitrage. Elle sera en vigueur jusqu'à l'adoption du Code du travail en 1964. Et bien entendu, jusqu'en 1964. Ah, oh, c'est un pays moderne, le Canada. Oh oui. 1946, Japon. Création de la Fédération communiste des jeunes japonais. Nihon Seinen Kyosan Domei. Eh oui, sur les radios libres. On cause pas qu'en anglais, on parle aussi japonais. Un peu. 1970, Canada. À la société La Palme, 457 conducteurs déclenchent une grève du zèle. Une grève du zèle. Ils font leur boulot le plus lentement possible, le plus parfaitement possible. Ils évitent toute erreur. Ah oui, ils font du zèle. Du zèle. Ah oui. Tant pis pour les cadences, hein, mais là, il faut. Ce qui prime, c'est la qualité. Voilà. Le zèle. 1977, Éthiopie, mise en place du POMOA, c'est-à-dire Bureau provisoire de l'organisation des masses. Il vise à marginaliser l'influence des fédéraux et de la bureaucratie héritée de l'empire du Négus. Vous vous rappelez du Négus, Haïlé Sélassié? Ah, il était sympathique ce homme-là. Oui. Bon, mais pas tellement de gauche, hein. Moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Que me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Mil veces que los tiren, 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas, en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Cette motion de rejet n'a pas l'intention de désespérer les bonnes volontés, ni ceux qui se sont appliqués à travailler ce texte en commission, en séance plénière et dans les deux assemblées. Pour mon groupe, cette intervention a la signification de quelque chose qui serait plus qu'un cri d'alerte. Vos intentions sont louables, je veux le dire. Et il n'y aura pas, de ce point de vue, de procès d'intention entre nous. Mais, Madame la secrétaire d'État, je crois que, dans le feu de la polémique, vous avez été conduite à dire quelque chose qui m'a frappé. Quand vous avez dit que se déchaînait dorénavant un populisme vert. Je vous félicite pour ce néologisme. Voici une nouvelle variété de cet objet insaisissable, le populisme, qui est tantôt vert, tantôt brun, tantôt haut, tantôt bas, etc. Mais au-delà de la plaisanterie, vous l'avez caractérisé. Vous avez décrit par un comportement. Ce comportement est celui qui consisterait à dire on pourrait passer d'un seul coup aux énergies renouvelables et on pourrait arrêter toute production de plastique. Alors là, madame, non. Je ne sais pas si c'est du populisme de le dire, mais en tout cas, c'est une ligne politique et c'est la nôtre. Et je suis certain que l'esprit raisonnable que vous êtes se dit, ma foi, il faut du temps pour que les choses se fassent. Mais précisément, ce que nous voulons faire, dire, et en particulier par une motion de rejet, c'est, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Les questions qui nous sont posées sont des questions de résilience de la civilisation humaine. Comment allons-nous faire alors que la catastrophe est commencée et que nous n'avons plus les moyens de la stopper? Le changement climatique a commencé. Et les conséquences du changement climatique s'expriment dès maintenant. Comment y ferons-nous face? Quand on voit le continent australien brûler, on comprend que ça a à voir avec le réchauffement. On comprend que si on ne sait pas arrêter l'incendie, c'est parce qu'on a vendu les réserves d'eau à des fonds de pension et qu'on a diminué les corps de sapeurs parce que ça coûte trop cher à l'État. Mais on ne devrait pas regarder si loin. Demandons-nous qu'allons-nous faire quand les trombes d'eau qui tombent dorénavant sur le Grand Sud-Est, résultant du réchauffement de la Méditerranée, qui fait que davantage d'eau va tomber sur une nature qui n'est pas préparée à le recevoir et qui, au demeurant, est tellement largement imperméabilisée que nous avons la certitude que les égouts qui ont déjà éclaté une fois éclateront une deuxième, une troisième et une quatrième, que les réseaux d'eau potable seront détruits, que les réseaux d'énergie seront détruits. Voilà les données, nous les connaissons. Il faut donc s'apprêter à des politiques aussi résolues, aussi déterminées, aussi mobilisatrices et radicales que nous en prendrions si nous étions en guerre. Parce que lorsque la patrie s'est trouvée mise au pied du mur, il a fallu qu'en quelques semaines, en quelques mois, elle modifie absolument tout ce qu'elle faisait pour se concentrer là où était le danger. Le danger résultant du changement climatique et les perturbations qui en résultent est là, et il faut l'affronter avec des mesures décisives. C'est pourquoi je ne vous dirai pas que ce que vous proposez est insuffisant, ou que je voudrais davantage. Nous voudrions autre chose. Nous voudrions que la planification écologique mette à l'ordre du jour l'application stricte et implacable de la règle verte, mettre en accord les cycles de la prédation humaine avec les cycles de la nature. C'est ce que nous ne trouvons pas dans le texte. Je vous passe les données du moment, je crois qu'on les partage. Nous ne le trouvons pas dans le texte. Le premier objet, c'est que la société a pour objet de d'abord répondre aux besoins élémentaires. Elle n'y répond pas aujourd'hui comme en témoigne la pauvreté. Mais elle crée sans cesse des besoins nouveaux et des besoins inutiles. Le rôle de la publicité est central parce que c'est lui qui formate les imaginaires, c'est lui qui pousse à la consommation et à des consommations qui poussent à des productions irresponsables. L'esprit public, l'esprit de chacun subit un véritable matraquage dans ce domaine et rien n'est fait pour y mettre un terme. Un Français qui vit dans une agglomération est exposé à 1200 ou à 2200 messages publicitaires par jour, mes chers collègues. C'est-à-dire que du matin au soir, il est invité à consommer, à dépenser dans des directions dont nous savons bien que si elles nécessitent de la publicité, c'est parce qu'elles ne correspondent pas toujours à des nécessités, et c'est même plutôt l'exception. Il y a 33 milliards d'euros de dépenses de publicité par an en France, c'est l'équivalent du budget du ministère de l'écologie. Au-delà, il est donc temps d'interdire, de supprimer les panneaux publicitaires lumineux et ce déversement d'incitation à la consommation. Le second point que je veux aborder dans le temps dont je dispose, c'est que il faut répondre à l'urgence plastique. Alors, je veux bien que vous me qualifiez de populiste vert, après tout, ne le suis-je pas déjà de toutes sortes de manières extravagantes, ça me fera un habit de plus. Mais oui, nous devons interdire l'usage du plastique dans un délai d'urgence. Madame, le plastique n'est pas seulement dans la mer, où il y aura bientôt plus de plastique que de poissons. Les dispositions que vous prenez interdisent en 2040 certaines productions. Non, l'emballage des fruits et des fleurs, c'est autre chose. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer, en tout cas dans la mer Méditerranée. Et n'allez pas croire que le plastique se contente gentiment de nous attendre dans la mer. Avec l'évaporation et avec la pluie, il se répand partout. Mais enfin, ça c'est un fait objectif, tout le monde le sait. On en retrouve dans les neiges suisses, on en retrouve dans le Groenland, au point que, dans certains pays, il est interdit aux femmes enceintes de consommer des poissons parce que les poissons sont remplis de plastique. Face à cet état de situation, on ne peut plus reporter, tergiverser, et pour tout dire, compter sur l'incitation. Nous croyons à l'État, à la contrainte, à la loi. Ça suffit, c'est désastreux, donc il faut l'interdire. Et il faut s'en donner les moyens dès à présent, c'est-à-dire pas simplement faire de l'incitation, mais faire de l'interdiction. Le plastique représente un danger terrifiant pour la génération, pour la reproduction humaine, et d'une manière générale, pour l'empoisonnement général de tous ceux qui sont conduits à en consommer, qu'ils le veuillent ou non. Il faut donc l'interdire, le remplacer. Nous autres Français, nous disposons d'un certain nombre de brevets sur un certain nombre de produits qui sont en état de remplacer le plastique séance tenante. Madame, confiez-moi les clés du camion et vous allez voir si je ne suis pas capable de le faire en l'espace d'un an et peut-être même moins. Ah oui, mais non, mais ne commencez pas par dire c'est pas possible, ce pays a déjà fait mille et une choses et il en fera d'autres bien plus impressionnantes. Donc, disais-je, réduire la pollution. Vous savez qu'il y a un ministre de la Troisième République qui a été viré parce qu'il avait applaudi. Ça passait pour un coup d'État contre les parlementaires. Donc vous ne pouvez pas m'interrompre. Merci, madame. Premier élément, donc, la pollution mentale. Le deuxième élément, faire face à la principale pollution physique. L'élément que je veux ajouter maintenant, c'est allonger la durée de vie des objets. Je pense qu'on sera d'accord sur l'idée. Nous pensons que les garanties doivent passer de 2 à 5 quand elles sont à 2, et de 5 à 10 quand elles sont à 5. Quelle est l'idée? C'est qu'en définitive, il faut aller à la source, réduire la production de déchets par la réduction des objets. Pour réduire les objets, il faut le nombre des objets, il faut qu'ils puissent durer plus longtemps. Voilà ce que serait une économie circulaire dont il ne s'agit pas de rejeter le principe, mais dont il s'agit de commenter la finalité. Si la finalité de l'écologie circulaire, c'est de pouvoir continuer à polluer avec les mêmes objets, cela est absurde. La finalité de l'écologie, l'économie circulaire, c'est d'empêcher la production au point de départ de ce qui est irréversible et d'assurer la réversibilité. Si vous regardez par exemple dans le bâtiment, vous savez qu'il existe dans les matériaux les plus simples, si vous n'arrêtez pas la production, si vous ne la ralentissez pas de manière drastique de béton pour construire les habitations, vous continuerez, je ne dis pas vous madame, ni vous chers collègues, on continuera à prendre du sable dans les conditions dans lesquelles on le fait, qui fait que 75% des plages du monde auront disparu d'ici à la fin du siècle ou au milieu du siècle suivant, en même temps que les traits de côte changent partout, non seulement de ce fait, mais du fait de la montée des eaux, etc., etc. À la fin, nous avons des déchets ultimes dont on ne sait plus quoi faire. Par conséquent, il ne suffit pas de dire « et nous voulons arriver au zéro déchet », mais il faut arriver à une situation de réversibilité des productions. C'est-à-dire qu'à la fin, si on le souhaite, on puisse revenir aux matériaux initiaux pour pouvoir en disposer ou pour les reléguer dans la nature, alors qu'aujourd'hui, le 80% de ces déchets ultimes sont jetés, mis en tas, abandonnés ici ou là sur la planète, et quand ils nous encombrent nous trop, nous allons les livrer à domicile chez les autres pour qu'ils s'en occupent à notre place. Chers collègues, il est clair que tout le monde est écologiste dorénavant, sauf les gens qui vraiment ne veulent rien voir de la réalité. Vous, madame, vous tous ici dans cette salle, nous le sommes tous. Mais nous n'avons pas... Merci, madame, je n'ai pas compris, grâce à votre intelligence lumineuse, je vais bientôt le comprendre. Mais respectez les autres. Nous avons parfaitement compris la situation. Et nous sommes des collectivistes. C'est-à-dire que nous croyons que la solution des problèmes est dans le commun et dans le collectif, et qu'elle passe par la loi. Et la loi est destinée à organiser davantage qu'à inciter, et à interdire plutôt qu'à encourager. Viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens. N'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie, cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, en septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant semble, viens, viens. Vous y dormirez, oh bien, bien, c'est une prière, bien, bien, pas pour moi mon père, bien, bien, reviens pour ma mère, bien, bien, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh bien, bien, c'est une prière. Bien, bien, tu souris mon père. Bien, bien, tu verras ma mère. Bien, bien, et plus belle qu'avant, qu'avant, qu'avant, qu'avant, qu'avant. C'est le philosophe français le plus lu dans le monde. En Californie, à Athènes, à Istanbul, il incarne ce que notre pays a de meilleur, l'âge d'or de la French theory et la tradition révolutionnaire. Tout ce qui, à l'étranger, fait que la France est encore la France. Chez nous, les chiens de garde essaient depuis des années de le bannir de l'espace public, parce qu'il n'a jamais renié les années rouges. On lui doit une œuvre mondialement connue, philosophique, politique, théâtrale. Il y défend l'idée communiste, en un temps où même le PC veut se débarrasser de ce nom encombrant. Il y défend aussi l'amour, en un temps où on le confond avec les dates sur Tinder. Ensemble, nous avons déjà publié 2 livres et vécu beaucoup d'aventures, à commencer par celle de Contre-courant, notre émission qui reviendra à l'automne. Aujourd'hui, il est avec nous aux médias, qu'il en soit vivement remercié. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, Alain, vous publiez ce mois-ci un livre sur l'actualité de 68, vous aussi. Ce livre s'appelle « On a raison de se révolter » aux éditions Fayard. Et vous y écrivez la chose suivante. Quels que soient les défauts des événements de mai, quels que soient leurs carences. Nous restons contemporains, écrivez-vous, de mai 68, parce qu'à sa manière, il a déclaré que la vie sans idées était insupportable. Eh bien oui, oui, je pense que c'est la déclaration implicite et flottante, mais la déclaration essentielle de mai 68 de notre point de vue, du point de vue de l'histoire contemporaine, parce que on a vu tout de même des choses étonnantes en 68 et dans les années qui ont suivi. Je prendrai un exemple, des centaines et des centaines de jeunes intellectuels sont allés s'établir dans les usines. Quand on regarde ça rétrospectivement, on se dit qu'il fallait tout de même être sous l'emprise sérieuse d'une idée pour bousculer sa vie avec une pareille intensité. Et on pourrait trouver bien d'autres exemples. Je pense que mai 68 a été une collection d'actes, d'engagements, de tentatives qui étaient quelquefois obscures pour elles-mêmes, mais qui indiquaient toutes une chose, c'est que le changement de la vie collective, de l'état des choses, supposait que l'on opère, que l'on agisse, non pas simplement en vue des proches intérêts, en vue de la continuation de la vie, en vue de l'installation, mais en vue de quelque chose que j'appelle une idée, et qui était simplement une espèce de représentation générale des finalités possibles de l'humanité tout entière. Alors, vous dites aussi qu'à l'époque de 68, une approbation assez large, finalement, entourait le mouvement. Et le symbole de cela, pour vous, c'est la vision de certains beaux immeubles dans les beaux quartiers, paradoxalement hérissés de drapeaux rouges. Oui, oui, il y a eu un spectacle public de mai 68. Bien entendu, il y a eu les manifestations, il y a eu les fameuses bagarres au quartier latin entre les jeunes et la police, mais il y a eu aussi comme une floraison, si je puis dire, de drapeaux rouges un peu partout. Et j'ai remarqué, en effet, que dans des immeubles où je savais pertinemment qu'habitaient des gens qui n'étaient nullement des foudres de guerre de la Révolution, ils avaient trouvé nécessaire, possible, d'afficher quelque chose qui était leur participation minimale à ce qui se passait, et qui était des drapeaux rouges. N'oublions pas, cependant, qu'au moment où est arrivé le jour des élections, ça n'a plus été la même musique. Donc, on le sait, la bourgeoisie s'est ressaisie rapidement, et en 69, tout était enterré. Vous-même, vous le dites depuis longtemps, Alain Badiou, vous ne votez plus depuis ce jour. Non, le mot d'ordre de tous ceux qui ont senti à l'avance que, en fait, la capacité du gouvernement à organiser des élections en juin 68 représentait en fait sa reprise en main de la situation, et qui ont lancé le mot d'ordre « élection Piako », qui est un des mots d'ordre célèbres de la période, je suis parmi ceux devenus assez rares qui l'ont pris au sérieux. Je pense qu'aujourd'hui même, il conserve sa validité, et c'est la raison pour laquelle, ne voulant pas tomber dans le piège, et être de ceux qui tombent dans ce piège, je ne vote plus depuis cette époque. Je pense que je serai en état de, disons pas de prouver, mais d'illustrer, au vu de la succession électorale depuis cet épisode, que, de fait, les élections, pour ce qui est d'être un traquenard politique, l'emportent sur toute autre procédure. – Et rien ne vous a donné envie, même récemment, de retenter l'aventure de l'isoloir ?– Oui, c'est vrai. – Alors, pour rester encore un petit moment sur l'interprétation de 68 que vous donnez dans ce livre, que pensez-vous d'une vision des événements de mai qui s'est implantée dans une partie de la gauche critique ? Je pense bien évidemment à des gens comme Boltanski ou Chiapello dans le Nouvel Esprit du Capitalisme. Une vision de 68 comme d'un acquiescement massif au capitalisme libéral et finalement une forme d'installation et de glorification définitive de la démocratie parlementaire. Je pense que c'est une interprétation erronée, mais j'en vois cependant les possibles motivations. Il est certain que dans la complexité de mai 68, puisque je distingue, comme le dit d'emblée mon petit livre, trois, sinon quatre mai 68 différents, dans cette complexité, il y avait en effet de quoi interpréter mai 68 comme une figure au fond de la modernité. Il y a un point qui est très frappant. Certains des aspects de mai 68 ont relevé de ce qu'était la révolution sexuelle, l'affirmation d'une nouveauté dans les mœurs, de nouveaux rapports entre les sexes, des libérations de la contrainte familiale, etc., etc. C'est ce que j'appelle le mai libertaire, et il a eu lieu, il a été une des composantes de mai 68. Remarquons que la plupart des grandes réformes qui ont été en effet pratiquées à la suite de mai 68 sur ces questions ont été largement l'œuvre du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, qu'on ne peut pas considérer quand même comme un foudre de guerre de la révolte. Hein. Donc il y avait tout de même, incontestablement, dans mai 68, des éléments qui pouvaient être repris, récupérés par la gestion des affaires, comme des moments de, au fond, modernisation, à la fois économique, mais surtout sociale, de l'appareil bourgeois antérieur. Ça a existé. Mais voir dans cela le cœur de mai 68, c'est tout de même laisser échapper les autres mai 68, et notamment ce qui s'est joué entre étudiants et ouvriers des grandes usines pendant l'essentiel tout de même de cette période. – Alors effectivement, vous dressez le bilan de trois mai 68 différents, et hétérogènes finalement, mais bon, qui se sont entremêlés à certains moments, le mai 68 étudiant, le mai 68 ouvrier et le mai 68 libertaire. – Oui, le mai 68 libertaire, je viens d'en dire un mot. Les deux autres ont été les plus constitutifs de l'événement en tant qu'événement politique véritable, et tout le problème est qu'ils sont restés assez largement disjoints. Il faut bien voir, rétrospectivement, on peut voir avec clarté que le mouvement étudiant avait ses propres objectifs, ses propres déterminations, ses propres manières de faire, et que la grève ouvrière, de son côté, était quand même largement de type classique, en dépit du fait que son lancement avait été opéré plutôt par des noyaux de jeunes ouvriers que par les appareils syndicaux, qu'il y a eu quand même un certain nombre de bagarres, qu'on a séquestré les patrons assez largement, qu'on a occupé les usines, donc il y avait un petit niveau de violence de la chose qui était nouveau. Enfin, en définitive, c'était une grève qui s'est conclue vaille que vaille par une classique négociation, les accords de Matignon, entre la CGT et le gouvernement Pompidou. Accords qui, d'ailleurs, ont eu du mal à s'imposer, puisqu'ils ont été massivement refusés par les ouvriers de Renault-Billancourt, consultés après l'issue de ces négociations, et qui ont voté contre ces accords massivement, ce qui prouve bien qu'ils attendaient autre chose. Mais, en définitive, je pense que la singularité de mai 68, c'est précisément le caractère simultané de deux processus à la fois différenciés et contemporains, un processus de grève ouvrière, la plus grande grève ouvrière de l'histoire française, hein, et d'un mouvement étudiant, le plus vigoureux et le plus violent mouvement étudiant aussi de l'histoire française, qui se sont côtoyés, qui se sont contredits quelquefois. Moi-même, quand je suis allé en tant qu'enseignant de philosophie à la porte des usines de la ville de Reims où j'enseignais, j'ai bien vu que les appareils syndicaux ne nous voyaient pas d'un œil particulièrement agréable. Enfin, et donc ils se sont côtoyés, ils se sont confrontés, et l'événement nouveau, c'est tout ce qui a été tenté pour qu'ils se croisent, pour qu'ils se complètent, pour qu'ils s'unifient. Et ça, ce point-là, demeure à mon avis irréductiblement novateur. Alain Krivine, qui était lui aussi récemment de passage aux médias, racontait qu'un jour, le cortège étudiant arrivant à Boulogne-Billancourt s'était heurté aux portes fermées de l'usine, fermées par la CGT. Ah ben oui, ben moi quand je suis arrivé aux portes de l'usine Chausson à Reims, puisque j'étais un provincial, la situation était à peu près la même. Il y avait là un cordon syndical qui avait fermé les portes, il n'était pas question d'entrer dans l'usine, et nous avons pu discuter petit à petit, avec patience, avec un certain nombre d'ouvriers, avec qui nous avons même pu faire ensuite des réunions en ville, où le contenu de la chose était expressément politique. Et ça c'est une rencontre, il y a deux choses qui me restent de vraiment forte et émouvante de mai 68, de mai 68 proprement dit. La première, c'est en effet, qu'est-ce que c'est qu'un pays couvert de drapeaux rouges ? Ça, c'est quand même quelque chose d'important et de significatif. Et le deuxième, c'est cette émotion singulière quand nous allions vers l'usine sans trop savoir comment et pourquoi, en vérité, simplement parce qu'on savait qu'il y avait là une partie de notre mouvement, et qu'on a vu que, bien sûr, nous avions l'expérience immédiate du caractère séparé des mouvements, et nous voyons bien ceux qui voulaient qu'ils restent séparés, ils étaient là, à la porte, comme des gardiens, Et cependant, nous sommes arrivés, nous avons pu finalement opérer une liaison partielle, significative et qui a duré des années avec un noyau ouvrier de cette usine. Alors, outre ces trois mai 68 que nous venons d'évoquer, il y a un quatrième mai 68 que vous abordez vers la fin du livre et dont vous dites que lui est absolument essentiel en ce qu'il prescrit encore l'avenir. Il est celui qui s'est déployé dans le temps et a engendré des années politiques intenses. Que voulez-vous dire par là ? Je veux dire par là que, d'une certaine façon, une partie minoritaire, mais tout de même très nombreuse et très active, de mai 68, s'est orientée vers l'idée d'une réinvention de la politique. En réalité, je l'appellerai comme ça. Elle a constaté que les appareils anciens, qu'ils soient d'ailleurs syndicaux, officiels, ou le Parti communiste, encore puissant à l'époque, malgré tout, encore une très importante donnée de la gauche officielle, que ces organisations, on avait pu expérimenter que, au fond, le mouvement les incommodait plutôt qu'il ne les enthousiasmait. Ils auraient pu en prendre la tête s'ils avaient voulu. Ils étaient en état d'en prendre la tête, de manifester leur volonté de renouvellement complet de la société, etc. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de le rabattre sur les classiques clôtures de ces mouvements-là, une négociation avec l'État, et puis c'est fini. Et ils ont ouvert une véritable guerre aux gauchistes qui quelquefois a pris un tour physique. Moi-même, j'ai eu affaire à des bagarres aux portes des usines avec des militants syndicaux. Et donc on a eu cette expérience-là et on a conclu que tout ça était du vieux monde, quoi, voilà. Que tout ça appartenait au vieux monde et faisait partie des défenses d'un vieux monde. Et nous avons tenté de proposer d'autres hypothèses politiques qui reposaient finalement, en dernier ressort, sur l'expérience d'une liaison directe entre des gens qui normalement ne se connaissaient pas et ne se voyaient pas. C'est-à-dire que cette politique s'amorçait par une sorte de diagonale tirée à l'intérieur de la société, un déplacement, un voyage que devait faire les intellectuels, les étudiants, les ouvriers, pour aller l'un vers l'autre et constituer, en discutant, en se demandant ce qu'il fallait faire, constituer de nouveaux embryons d'organisation. Et ça, c'est, à mon avis, c'est une question qui est encore non résolue. C'est pour ça que je dis que l'actualité de mai 68, c'est l'actualité d'une ouverture, en réalité. Une ouverture de 50 ans, mais à échelle de l'histoire et pas à l'échelle des péripéties électorales. Et cette ouverture, elle a réellement eu lieu, et même si elle a été refoulée et asphyxiée, en réalité principalement au moment de l'élection du gouvernement d'union de la gauche, qui a été vraiment l'ultime manœuvre politique pour restaurer quelque chose de la vieille gauche et du vieux monde, même s'il a été en partie rejeté et asphyxié à ce moment-là, n'en reste pas moins une question ouverte. Il est évident que les données de la politique aujourd'hui sont inappropriées à toute transformation de la société elle-même. Est-ce qu'on peut qualifier mai 68 de révolution ? Révolution, c'est un mot qui est devenu obscur. Il est devenu obscur dès ce moment-là. Parce que révolution, au fond, dans la tradition issue du XIXe siècle, ça veut dire un mouvement insurrectionnel qui, d'une manière ou d'une autre, s'empare du pouvoir d'État et renverse l'ancien pouvoir. En réalité, personne n'avait ça en tête en mai 68. Je raconte dans le livre que j'ai été très frappé, un énorme cortège passait devant les institutions de l'État dans la ville, la préfecture, la mairie, etc. Et personne n'avait l'idée de s'en emparer. Personne n'avait l'idée de jouer, fût-ce dans une ville de province, à la prise du palais d'hiver en Union soviétique. C'était pas du tout dans les idées, même pas dans les fables, même pas dans les mythologies. Et pourquoi ? Comment vous expliquez ça ? Eh bien, je pense parce que tout le monde savait que ça n'aurait rien donné, ça n'aurait rien signifié, parce que les programmes qui étaient les nôtres, les forces qui étaient les nôtres, les organisations qui étaient les nôtres, n'étaient pas à la mesure d'une pareille tâche. Et donc, au fond, il s'agissait bien plutôt d'une révolution des esprits, d'une tentative de révolution des esprits, de modification de la conception politique du monde, que d'une révolution au sens strict. Et quand on appelle mai 68 une révolution, je pense qu'on porte tort d'abord au mot révolution, parce que, alors effectivement ça a été beaucoup fait ensuite, révolution fictive, révolution de gamin, révolution en papier, mais on porte tort aussi au mouvement qui n'en aurait pas été porteur véritablement, même si le langage était celui-là d'une révolution, mais porteur d'une question. Et c'est pour ça, vous savez, que ça s'appelle mai 68. Si s'y était passé quelque chose, au fond, de réel dans l'ordre de l'État et de sa transformation, ça s'appellerait pas mai 68. Ça s'appellerait révolution d'octobre, commune de Paris, tout ce que vous voulez. Ça s'appelle mai 68 parce qu'au fond, personne ne sait très bien ce que c'était et que, au fond, le plus simple dans ce cas-là, c'est de le nommer par sa date. Voilà. Ça a été un mois, mai 68. Oui. Vous dites finalement qu'une énigme mai 68 demeure. Oui, si on considère que mai 68 n'est pas simplement une collection de petites révoltes modernisatrices, la porteuse de phénomènes qui en réalité à ce moment-là se sont produits partout dans le monde et qui n'auraient pas de singularité nationale particulière, si on pense autrement, on pense que mai 68 a posé, comme je le dis, la question de comment transformer l'univers politique. Pas par les prises du pouvoir d'État, mais par la transformation des esprits et des pratiques, je pense que l'énigme demeure, parce que les problèmes ouverts par mai 68 sont au fond des problèmes encore aujourd'hui non réglés. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que la commémoration de mai 68 est une commémoration tout à fait ambiguë, parce que personne ne sait très bien ce qu'on commémore. Et les gens ont en tête, dans cette commémoration, des choses tout à fait différentes et disparates. Et petit à petit, ça devient un événement mythologique. C'est-à-dire mai 68, alors, vu rétrospectivement comme une grande fête qui à cette époque était possible, qui maintenant ne l'est plus, avec une nostalgie. Les sondages disent que 70% des gens ont un souvenir émerveillé de 68 ou approuvent 68, mais à l'époque 70% des gens ont voté contre avec la dernière énergie. Donc tout ça est une confusion extrême. Et je pense que si on dégage le noyau, en réalité ce qui a fait vérité de mai 68, ce sont les 10 années qui ont suivi. Parce que c'est là qu'il y a eu des tentatives politiques, des innovations, des figures nouvelles d'organisation, des liens tissés qui n'avaient jamais existé entre une partie de la petite bourgeoisie intellectuelle et le monde ouvrier. Et tout cela a finalement échoué du point de vue de la durée, de la constitution réelle, d'organisation nouvelle, etc. Ça a échoué aussi pour un phénomène dont il faut toujours souligner l'importance. Ça a été la violente et très rapide désindustrialisation de la France. Ça a été un point capital qui a complètement bouleversé les données de ce qu'est ce pays. Vous vous promenez maintenant dans la banlieue, ici même, n'est-ce pas? On voit encore la ruine du monde ouvrier. Elle est présente comme ça, comme un ensemble de squelettes. Et ça a été d'une violence extraordinaire, commencé vers la fin des années 80 et terminé très rapidement aujourd'hui. Tout cela a bouleversé le pays. Et du coup, la solution ou les solutions qui avaient été proposées après 1968 sont restées, comme les industries, un peu en friche. Alors, vous le rappeliez à l'instant, mai 68, c'est bien sûr avant tout la plus grande grève ouvrière de l'histoire de France. Donc la question que j'ai envie de poser pour nous appuyer sur cette période, pour comprendre notre présent, pourquoi aujourd'hui que l'État social est attaqué en son cœur comme jamais par les réformes mises en œuvre, pourquoi on n'arrive pas à voir ça? Avoir ça, c'est-à-dire avoir des usines occupées, avoir une grève générale se mettre en place à travers le pays. Écoutez, d'abord, il y a le facteur que je viens de mentionner, hein, il est tout à fait important. La structure ouvrière est complètement différente de ce qu'elle était en 68. En 68, la France est un grand pays industriel. Les banlieues des grandes villes méritent le nom de banlieues ouvrières, pas seulement parce qu'elles sont peuplées de pauvres, mais parce qu'elles sont peuplées de prolétaires, véritablement, au sens strict, avec des grandes usines à demeure implantées dans toute la périphérie. Et d'autre part, les organisations ouvrières sont des organisations puissantes, même si elles sont quelquefois puissantes pour empêcher les figures novatrices du mouvement, mais elles sont puissantes. La CGT est une puissance considérable, le Parti communiste lui-même reste une institution extrêmement puissante, et vous avez, à cause de tout cela, une espèce de culture marxiste flottante qui est extraordinairement répandue. Même pas oublier que nous sommes à une époque où encore une grande partie des intellectuels les plus renommés, Sartre et beaucoup d'autres, se réclament du communisme, ont été des compagnons de route du Parti communiste, considèrent que le monde ouvrier porte l'avenir, etc., etc. Tous ces facteurs ont été quand même progressivement dissous par la combinaison, à mon avis, de trois facteurs. Le premier, au niveau intellectuel, a été la réaction idéologique massive organisée à l'enseigne des nouveaux philosophes, qui n'étaient ni nouveaux ni philosophes, mais pour ce qui était en tant qu'organisateurs de la contre-révolution idéologique, ont su ce qu'il fallait faire. Deuxièmement, la désindustrialisation dont j'ai parlé, qui a représenté un affaiblissement considérable de la base ouvrière elle-même. Et troisièmement, dans ces conditions, l'effondrement progressif, y compris des forces traditionnelles de la gauche, dont en outre la venue au pouvoir n'a été qu'une succession de graves déceptions. Donc ces trois facteurs combinés ont fait que la situation aujourd'hui est complètement différente, et je dirais même, je le souligne parfois, elle est à certains égards inversée par rapport à ce qu'était mai 68 et pas simplement transformée. Par exemple, il y a, bon, je ne reviendrai pas sur le caractère puissant, organisé, massif du mouvement ouvrier qui a été ravagé par la désindustrialisation, qui fait que tous des secteurs entiers qui étaient l'empire des organisations ouvrières sont largement devenus l'empire des élections d'extrême droite, parce qu'elles sont peuplées maintenant d'ouvriers au chômage, de vieux ouvriers où le contexte du travail a lui-même été anéanti. Dans l'intellectualité française qui était connue par son gauchisme latent et s'est fait connaître comme l'avant-garde de la réaction planétaire pendant tout un temps. Et puis, finalement, comme le problème politique qui avait été posé n'a pas été résolu, les organisations de gauche classiques se sont avérées incapables de résister à cet énorme vent de contre-révolution qui maintenant dure depuis une trentaine d'années. Au fond, ça n'est pas absolument nouveau dans l'histoire. Des grandes périodes réactives succèdent en général aux échecs d'une période inventive. La période inventive chez nous, ça a été non pas tellement mai 68 pris isolément, mais disons les 10 années qui ont suivi. Elle était inventive d'abord au niveau mondial, il se passait des choses un peu partout, y compris les luttes de libération nationale, les soulèvements étudiants et ouvriers qui ont eu lieu aussi en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, etc., au Mexique, il y avait tout cela. Mais comme cela n'a pas trouvé sa formule finale, après, la contre-révolution s'installe et elle est extrêmement vigoureuse et violente et elle est extrêmement tenace. On y est encore en plein, de cette façon. Et évidemment, cela éclaire la question que vous posez. C'est-à-dire face à un pouvoir qui considère qu'il a en fait rien en face de lui de sérieux, puisqu'il a vu la déconfiture de la gauche classique et qu'il n'y a pas une relève véritable, qui a été vu aussi qu'un certain nombre de relèves qui pouvaient paraître authentiques, je pense à Syriza en Grèce comme exemple canonique, finalement s'avérait impuissante au regard des données de la situation et faisait en fin de compte comme la gauche classique et pas autrement. Face à cela, eh bien évidemment, la classe dominante aujourd'hui s'estime libérée de toute contrainte. Elle estime qu'elle peut faire n'importe quoi et qu'il faut en profiter, parce qu'on ne sait jamais si ça va vraiment durer. Et donc nous avons affaire quand même à une tentative de démantèlement des concessions sociales installé notamment en France, d'abord par le Front Populaire et en fait et surtout à la libération après la Deuxième Guerre mondiale, sous l'influence d'une résistance qui était principalement de gauche, de puissantes organisations, etc. Ils essaient de démonter tout ça, ce qui est tout à fait naturel. Jamais quelque chose qui leur a plu, ça leur a été extorqué. Et maintenant, ce qui leur a été extorqué, eh ben, ils veulent s'en débarrasser. Et face à ça, vous avez tout à fait raison de souligner que il n'y a pas rien, ne disons pas qu'il y a rien. Il y a quand même des grèves opiniâtres à la SNCF, il y a des manifestations non négligeables, il y a des universités occupées. Mais au fond, tout le monde a la conscience que quelque chose ne prend pas, cependant, qu'il y a quelque chose qui ne prend pas. Nous verrons la manifestation du 26, qui est une échéance symbolique de ce point de vue-là. Mais je crois que, au fond, les événements ne prennent que quand, en réalité, il y a une disposition de ceux qui y participent à une vision un peu stratégique. Ce que j'appelle une idée, moi, un vieux platonicien, j'appelle ça une idée. Et l'idée fait défaut. Au fond, personne, aujourd'hui, dans ces mouvements, n'a la conscience ou la conviction que ce qui se passe est capable de transformer positivement la situation. Alors du coup, on a affaire à des résistances, c'est-à-dire à des données qui tentent d'empêcher le pire, d'empêcher la dislocation complète du système social, des nationalisations, du service public, mais ça n'est pas saisi ou ressaisi dans une dimension affirmative commune, et de là quand même une certaine faiblesse. Alors vous parliez à l'instant de Syriza, maintenant vous parlez de la situation française qui à vos yeux patine, on aurait pu parler aussi de Podemos et plus largement des autres mouvements des places. Je sais que ce ne sont pas des mouvements qui vous convainquent, je sais que vous n'êtes pas convaincu par les mots d'ordre actuels. Faire la fête à Macron par exemple récemment, n'a rien dit, selon vous, de ce qu'un nouveau pouvoir devrait faire à l'avenir, s'il advenait dans les conditions qui sont les nôtres. Et à vos yeux, c'est ça, c'est ce manque de dimension affirmative qui fait échouer les luttes. Oui, je pense en tout cas que ça les affaiblit. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, je ne veux pas m'installer dans cette figure qu'on me met quelquefois sur la figure. Je ne veux pas m'installer là-dedans parce que j'espère moi-même bien plus tôt qu'il va y avoir quelque chose, vous comprenez. Je suis même peut-être plus intéressé que quiconque au surgissement de quelque chose de nouveau. Mais j'ai suffisamment d'expérience, je pense, et de conviction aussi pour bien voir les faiblesses de tout ça. C'est pas proprement français. J'ai été très frappé par le devenir de tout ce qui avait été appelé le printemps arabe. Il y a eu là des manifestations gigantesques, et dans des pays avancés ou retardataires, en Turquie, aux États-Unis, et puis finalement dans tous les pays arabes, en Égypte, un mouvement grandiose, véritablement, avec des occupations de places longues, avec un peuple entier qui était là, d'une certaine façon rassemblé dans ses différentes composantes. Et puis, le mot d'ordre synthétique de tout ça, c'était « Moubarak dégage », mais Moubarak dégage, ça ne disait rien sur ce que signifiait positivement le départ de Moubarak. Et par conséquent, c'est dans un premier temps les frères musulmans qui ont ramassé la bise, parce que eux, ils avaient un programme réactif mais particulier. Et contre ces frères musulmans, en définitive, c'est l'armée qui a mis tout le monde d'accord en reprenant le pouvoir qui lui avait été arraché. Je pense que des phénomènes de cet ordre risquent de se produire un peu partout, y compris par exemple chez nous, où en fin de compte, la décomposition des partis traditionnels nous donne un petit bonapartisme élémentaire, comme ça, qui paraît au fond très très apte et sous son masque inoffensif pour démanteler tout ce qui subsiste de progressivité dans ce pays. Et alors, je me désole de cette faiblesse, et je la vois dans le fait que les mots d'ordre restent dispersés ou creux. Dispersés parce que chaque composante a son mot d'ordre spécifique. Malgré tout, au niveau de masse, dans les universités, c'est l'opposition à des protocoles de sélection à l'entrée de l'université qui changerait la donne et qui irait finalement vers des universités privées un jour ou l'autre. À la SNCF, c'est le démantèlement de la nationalisation et la disparition du statut de cheminot, etc. Ces mots d'ordre sont tous d'excellents mots d'ordre et tout à fait justifiés, je les soutiens. Mais pour le recollement de tout cela, il n'y a pas d'idée suffisante à l'heure actuelle. Et c'est une grande différence avec l'idée flottante de révolution qui existait en mai 68 et cette culture marxiste élémentaire qui était un peu diffuse partout, qui sans doute était une idée un peu chimérique, mais qui a permis quand même, qui a servi de socle à certaines rencontres ou certaines intersections entre les mouvements disparates. Et que vous définiriez comment? Qu'est-ce qui unissait à l'époque les différentes luttes? Mais c'était l'idée d'une possibilité. Alors ça, c'est un point très important. Je pense que la question de savoir si on croit profondément ou non qu'une autre organisation générale de la société est possible est un point clé de la disposition de l'opinion publique dans les périodes de mouvement. Si vous n'êtes d'accord uniquement sur le fait que quelque chose de la situation existante vous paraît inacceptable, c'est très bien, mais il faudra alors quand même expliquer aux gens ce que vous comptez mettre à la place. Il faut toujours un élément affirmatif qui vienne relayer l'élément négatif, parce que l'élément négatif, vous ne savez pas si les gens qui nient quelque chose, sont d'accord pour affirmer quelque chose. Généralement, ça n'est pas vraiment le cas. Et là, dans les périodes de type années 60, vous aviez une espèce d'idée vague, peut-être d'ailleurs un peu impuissante, mais qui tout de même rassemblait suffisamment affirmativement, qui était non seulement qu'il fallait mettre à bas cette chose-là, mais qu'il fallait nationaliser les grandes industries, mettre à bas le capitalisme, créer une société communiste nouvelle, etc. Il y avait une sorte de vecteur du futur. Aujourd'hui, vous n'avez pas ça. C'est tout le contraire. Même une bonne partie des gens qui sont là, vous leur parlez de ça, ils pensent que c'est impossible. Ils vous répondent aussitôt, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas ça qu'on va faire. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Supposez même supposons que Macron, tout d'un coup, soit mis en déroute et s'enfuit en calèche en Belgique, hein, comme ses ancêtres monarchiques. Hein. Qu'est-ce qui se passerait? Personne n'en a la moindre idée. Personne n'a la moindre idée. Or, ça n'est pas tout à fait possible, ça. Parce que toute une masse de gens attentistes qui ne participent pas au mouvement ont peur de cela. Ils ont peur que les choses se décomposent et qu'alors surgissent peut-être, puisqu'on n'a pas d'idée alternative, des hypothèses extrêmement dangereuses. Vous voyez la situation italienne aujourd'hui. On voit surgir des monstres, littéralement. Quand on n'a pas d'idée soi-même sur ce qui va venir, au fond, attenter à l'ordre précaire qui existe, ça peut effrayer beaucoup de gens. Et je pense que c'est le cas ici, à la fin des fins. C'est-à-dire que c'est pour ça que, bon an, mal an, Macron va son chemin, non pas du tout parce qu'il enthousiasme les gens, il a cumulé beaucoup d'hostilité, même dans la dernière période, parce qu'il a tiré tous azimuts, hein, il a balayé, il a fait comme une infanterie qui tire sur tout le monde. Mais quoi à la place? Quand en plus on est dans le contexte d'une gauche entièrement déconfite, et d'une relève de cette gauche en laquelle, pour ma part, je n'ai pas confiance, je le dis clairement ici, sur la France insoumise, dont la direction me paraît quand même appartenir congénitalement à l'ancienne gauche, se réclamer de Mitterrand, etc., etc., je pense que tout cela ne donne pas une dynamique et une perspective positive suffisante pour que le mouvement puisse se constituer dans son unité véritable. Alors, quel contenu positif vous proposeriez, vous, au mouvement de protestation actuel? Qu'est-ce que pourrait être un objectif de guerre? Je pense qu'il faut qu'il renchérisse sur les données de la tradition. C'est-à-dire qu'il faut se saisir du fait que le point commun, en fin de compte, de la politique de Macron, ça se dit privatisation. Ça peut se dire privatisation en bien des sens, mais finalement c'est privatisation. C'est-à-dire qu'il veut achever la destruction complète de l'interférence directe entre un service public et l'économie dans son ensemble. Il veut que tout ça, depuis les transports jusqu'à l'éducation, en passant par la santé, l'eau potable, l'énergie, tout ce que vous voulez, que tout ça soit livré, une bonne fois pour toutes, au capitalisme planétaire, à la concurrence mondiale, et voilà. Ça, c'est son programme de petit cadre bancaire qui pense que les règles de la politique sont celles du management. Voilà, c'est ça, sa doctrine. Elle est très répandue, d'ailleurs, il n'y a pas que lui. Alors, face à cela, il faut proposer non pas simplement des défenses partielles et dispersées, mais une idée générale qui va se présenter sous une forme négative et sous une forme affirmative, les deux en même temps. La forme négative, à mon avis, c'est qu'il faut rassembler tout le monde dans un non radical aux privatisations. Ce qui ne se fait pas à l'heure actuelle, c'est pas au centre des choses, on dit défense du service public, etc., dans une posture défensive, mais il faut dire non aux privatisations, et il faut dire non aux privatisations, non pas seulement à celles qui sont envisagées aujourd'hui par Macron, mais par l'ensemble de la vague de privatisation qui a balayé la France, et qui l'a d'ailleurs désindustrialisée en partie, depuis les années 80. Donc ça c'est le côté négatif de la chose. Or, ça peut unir le mouvement, parce que tout le monde a affaire à ça. Aussi bien un aide-soignant d'un hôpital qui va être privatisé qu'un étudiant ou un enseignant d'une université qui risque d'être confronté très rapidement à des universités privées, qu'à la SNCF bien entendu, et dans beaucoup d'autres secteurs. Ça c'est le premier point. Le deuxième secteur, la deuxième recherche qu'il faut faire en commun là, c'est si on ne veut pas des privatisations, qu'est-ce qu'on veut? Alors le mot classique, c'est nationalisation. Je propose de dire que nationalisation est un vocable équivoque qui a trop servi à des entreprises précaires qui pouvaient être remises en cause à la prochaine élection. Il faut dire appropriation collective et il faut mettre à l'ordre du jour la question clé qui n'est pas résolue encore. Qu'est-ce que c'est qu'une appropriation collective d'un protocole de production, d'une usine, mais aussi d'une université ou de la sécurité sociale? Qu'est-ce que c'est qu'une appropriation collective, c'est-à-dire quelque chose qui ne la livre pas au profit privé, qui ne soit pas nécessairement de la délivrer à des fonctionnaires d'État. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'implication de tout le monde dans la gestion de l'économie générale, et non pas simplement le passage du privé à l'État? Parce que ça a été la première étape, au fond, du communisme, ça a été de tout déléguer à l'État. Encore en réalité, c'était contradictoire, puisque Marx pensait au contraire que tout ça allait faire dépérir l'État. Au lieu de ce que l'État dépérisse, il a été au contraire extraordinairement musclé, comme on sait, autoritaire et même tragique. Nous devons tous rechercher aujourd'hui, face à cette offensive terrible qui consiste à nous livrer de façon définitive à tous les secteurs de notre vie, planétaire, nous devons absolument chercher qu'est-ce que c'est que autre chose que ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une appropriation collective effective de l'ensemble des institutions de la vie commune. C'est un chantier qui a été laissé en friche, je pense, dans le marxisme lui-même, presque depuis son début. Parce qu'en réalité, l'idée de révolution a joué un rôle néfaste, si je puis dire, dans les révolutions elles-mêmes, parce que on a trop considéré que la solution de tous les problèmes était la prise du pouvoir d'État. Or, nous savons maintenant, c'est la leçon que nous devons tirer des expériences russes et chinoises, nous savons que la prise du pouvoir d'État est loin de régler le problème fondamental qui est celui de l'appropriation collective. En réalité, à un certain moment, Mao Tse-tung lui-même a dit dans les années 60, mais est-ce que nos usines sont réellement différentes des usines capitalistes? Et c'était une vraie question. Si on se baladait dans ces usines, on avait l'impression que c'était la même chose quand même. Il y avait des petits chefs, il y avait des grands chefs, il y avait des cadres, puis finalement il y avait le etc. Et donc, on voit bien le chantier des questions qui sont là, et ça c'est la question de la gouvernance collective d'une entité, quelle que soit. Ce sont des questions qui peuvent être expérimentées, y compris localement, d'une certaine façon, et généralisées ensuite. Et c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, étant entendu que l'urgence, évidemment, va toujours se présenter comme négative, c'est-à-dire résistance, comme on dit, mais résistance, c'est un mot ambigu, parce que si on ne peut que résister, ça veut dire que l'ordre établi reste en place. Donc résistance, là je dis non aux privatisations, mais d'un non large, un non qui est un non de principe, qui n'est pas simplement « je m'oppose aux privatisations qui vont être faites dans la conjoncture actuelle ». Non, je m'oppose principalement aux privatisations. Mon idée est celle d'une appropriation collective, et cette idée, il faut la rendre claire pour tout le monde. Dans le domaine de l'appropriation collective et désintéressée, justement, quelles sont aujourd'hui les expérimentations ou les pensées qui vous intéressent? Oh bien, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dont il faudrait faire le bilan à une échelle vaste. Par exemple, même si on regarde de près dans la Commune de Paris, il y avait des initiatives concernant des secteurs d'ailleurs très différents, le secteur des actions artistiques et culturelles, la réorganisation de l'école, la question des femmes, mais aussi la question de qu'est-ce que c'est que gérer une usine, etc. Il y a toute une série d'idées qui sont restées totalement en friche après l'écrasement évidemment de la Commune et qui n'ont pas été vraiment reprises par le mouvement traditionnel vu le succès apparent de la nationalisation massive de tout. Il y a eu ensuite, dans le mouvement des coopératives et dans certains secteurs des propositions anarchistes, des choses plus intéressantes que celles du communisme traditionnel, qui consistaient à... Alors, bon, il y a eu chez nous l'autogestion, des choses de ce genre, il y a eu l'expérience de l'usine LIP pendant tout un temps, qu'est-ce que c'était qu'un exercice réel de la propriété ouvrière, alors que c'était pas une entreprise nationalisée. Il y a eu les tentatives plus récentes, un tout petit peu comme ça, poétiques d'une certaine manière qui se sont données dans les zones à défendre où l'idée de défense a fini par devenir l'idée de l'installation, enfin de l'installation d'une vie communautaire un peu différente. Cette idée qui avait déjà existé d'ailleurs dans les périphéries de 68, y compris pour l'habitation en commun, etc., etc. Il y a toute une grande tradition sur laquelle il faut travailler. Je pense qu'il faut réunir partout des commissions d'études de la question de la gestion collective et le lier de façon intime et interne à la grande protestation contre les privatisations. Alain Badiou, pour boucler notre conversation par un petit retour à mai 68, on connaît bien sûr les dérives des Cohn-Bendits, des Gesmar, des Goupil, bon, qui ont quasiment tous voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour, un extraordinaire mouvement de renégation a décimé les rangs de 68. Vous en parlez d'ailleurs dans ce nouveau livre, et vous l'expliquez finalement par une forme de déterminisme sociologique, à savoir que tous ces anciens étudiants étant des bourgeois, ils sont revenus finalement. Voilà, à leur habitus. C'est pas mon explication unique. Antérieure. C'est pas mon explication unique, je pense. Bien sûr, il y a ça, il faut le reconnaître. Et ça a déjà été observé en d'autres circonstances. La ressemblance est frappante, en particulier à ce qu'a été l'ampleur de la renégation des révolutions de 1848 dans toute l'Europe, et a commencé en France. De farouches révolutionnaires de 48 sont devenus de fidèles sicaires de Napoléon III dans la suite. À preuve, Victor Hugo, qui a dit « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Il voyait bien qu'il n'en restait plus beaucoup, des résistants. Et évidemment, ça se comprend. Au fond, les périodes surtout longues de contre-révolution, le Second Empire lui-même a duré 20 ans, c'était pas une petite chose. Et nous, la contre-révolution, elle dure depuis, au fond, disons le 83, 85, depuis le moment où le gouvernement Mitterrand a renoncé totalement à être un gouvernement de transformation de la société. Donc ça dure longtemps, et le contraste entre cette durée massive et installée, et puis ce qu'ont été les émois de la jeunesse dans les tempêtes des années 60 terminales, fait que les subjectivités sont quand même finalement divisées et finissent par choisir, au fond, l'installation, le courant principal. Il faut voir aussi que ça joue beaucoup, ça. Dans les périodes révolutionnaires, le courant principal est révolutionnaire. Dans les périodes de contre-révolution, le courant principal est contre-révolutionnaire. La tendance de rallier la troupe, quand même, d'être dans le mouvement, de pas être un quelqu'un qui, comme moi, on traitera de vieux has-been inefficace des révolutions perdues. La tentation de ne pas être ça est une tentation très forte. Je peux la comprendre. Je crois ce qui s'est passé, quand même. C'est justement la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui, selon vous, explique votre fidélité ? Écoutez, alors là, je crois qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui remonte à mon enfance, c'est une histoire que je raconte souvent, mais je vais la raconter une fois de plus. C'est une chose quand j'avais 6 ans, et que c'était la guerre. C'était donc dans l'épreuve de la guerre. Et mon père était dans la résistance, ça je ne le savais pas, à 6 ans, on me cachait tout, absolument, évidemment. Il avait une grande carte du front russe. Et je le vois, à un moment donné, c'était au moment de la bataille du saillant de Koursk, je le vois déplacer un petit peu le fil qui indiquait le front entre Allemands et Soviétiques, je le vois le déplacer un peu comme ça vers la gauche, c'est-à-dire vers l'ouest, et je comprends quand même, dans mon intellect limité de gamin, que ça voulait dire que les Allemands reculaient, et que les Russes avançaient. Et alors je dis à mon père, mais alors... on va gagner la guerre. C'était pour moi très surprenant parce que je voyais les Allemands dans la rue quand même. J'étais à Toulouse, ville occupée, etc. Et mon père me répond, mais oui mon fils, il suffit de le vouloir. Alors ça c'est une inscription paternelle irréversible, et quand on me traite de volontariste, ça ne me fait ni chaud ni froid, vraiment. Ça c'est le premier point qui est psychanalytique. Et puis le second, c'est que d'une certaine manière, je n'ai pas l'impression que les courants conservateurs puissent être vraiment créateur dans l'ordre de la pensée. Par définition, quand vous vous ralliez au mouvement principal, eh ben, vous devenez quand même un flatteur du mouvement principal, et donc vous n'avez plus de projection créatrice, vous êtes quand même, finalement, dans la figure du larbin, stylé, enfin, plus ou moins stylé. Et ça, je pense que c'est quand même, je préfère, et d'ailleurs je constate que, finalement, je me porte mieux qu'eux à tout prendre, hein. Je constate que tenir bon, eh bien, à la fin des fins, c'est quelque chose qui se fait remarquer, et là, au fond, je le dirais même de Victor Hugo, après tout. Il a quand même accepté, cet homme-là, d'être exilé dans une petite île de rien du tout pendant 20 ans, en disant, s'il n'en reste rien, un quin, je serai celui-là. Et, au fond, il est sorti beaucoup plus grandi de cette affaire que ceux qui étaient devenus des courtisans de Napoléon III. Merci beaucoup Alain Badiou d'être venu nous rendre visite aux médias. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, On a raison de se révolter, aux éditions Fayard. Merci aux sociaux qui nous permettent d'exister. Merci à ceux qui nous regardent et qui bientôt seront eux aussi sociaux. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain entretien libre. Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une, au travers de l'histoire, qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon, dans le salon chinois, où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions, que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition. Des craquants sans brimeuse, des forts en tédéum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Nombre de gens qui nous regardent n'ont pas conscience que nous avons besoin de financement citoyen. Nous ne dépendons que de vous, alors pour nous soutenir, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Notre survie en dépend. Et tout de suite, un nouveau numéro de Tout peut arriver. Martine, je suis évidemment très heureux de vous interviewer, ainsi que Major. Je remercie Major d'être là. Vous êtes un couple merveilleux. Enfin, moi, je vous ai vu dans le film et j'ai trouvé que c'était incroyable. Les plans qu'on a de vous à Londres, à Paris, votre vivacité, la manière dont vous appréhendez la vie et tout ça, c'est très, très émouvant. Et je voudrais que ce témoignage soit vu par un maximum de monde. Et je vais commencer simplement parce que moi je ne vous connaissais pas et je trouve que les cinq lignes, je vais lire les cinq lignes de la couverture du livre et je vous interrogerai ensuite. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas, Marthe est une espionne juive qui a infiltré les lignes ennemies. Elle parvient à saboter les opérations allemandes de l'intérieur et brave ainsi tous les dangers de guerre. Le froid, la faim, les guet-apens et de l'espionnage, les manipulations, les dénonciations, l'angoisse du danger qui rôde, jusqu'à transmettre aux forces alliées les renseignements décisifs pour détruire l'ennemi. Rédigé à la manière d'un récit épique, ses mémoires témoignent du destin singulier d'une femme hors du commun qui mena une lutte acharnée contre le mal. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus qui va vous faire rentrer dans les services secrets français? Comment ça se passe, puisque vous êtes infirmière, vous êtes plutôt isolée. À ce moment-là, vous êtes à Paris? Non, non. Mais je me suis engagée beaucoup plus tard, parce que mes papiers étaient forgés, donc l'armée n'acceptait mes papiers. Ce n'est qu'en novembre 1944 que j'ai pu joindre l'armée, parce que la maman de Jacques, je suis allée à Poitiers et je l'ai emmenée à Paris. Elle vivait avec nous, elle était très malade. Alors nous l'avons soignée, ma sœur et moi, et un jour, on m'a fait savoir que dans le cimetière d'Ivry, où ses deux fils étaient enterrés par les Allemands après les avoir exécutés, il y avait toute une énorme section dans le cimetière d'Ivry où il y avait tous les exécutés. Et il n'y avait pas de numéro, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Mais le Français qui s'occupait du cimetière m'a expliqué comment trouver leur tombe. Et moi, j'allais tous les dimanches au cimetière sur la tombe. Bien que cet homme m'ait dit, soyez très prudente parce que la Gestapo est constamment dans le cimetière à surveiller qui vient sur les tombes. Mais un jour, on m'a annoncé que le général de Gaulle allait venir pour saluer les familles. Alors j'ai amené pour la première fois la maman de Jacques et de Marc. Et elle était debout à côté de moi, près des tombes de ses deux fils. Et le général de Gaulle est venu, il a salué, il est parti. Il n'était pas le genre à parler à tous ces gens-là. Mais les chefs de l'armée et les chefs de la résistance qui étaient dans son entourage sont restés et ont parlé à la maman de Jacques et lui ont demandé si elle avait besoin de quoi que ce soit et qu'il l'aiderait. Alors moi j'étais debout à côté d'elle, elle leur a dit « Mademoiselle Hoffnung était la fiancée de mon fils aîné, je la recommande absolument ». Et elle voudrait s'engager, mais n'a pas les documents qu'il faut. Pouvez-vous l'aider? En quelques jours, tout était aplani. Et on m'a assigné au 151e régiment d'infanterie qui était en Alsace. Le front, à ce moment-là, était en Alsace en novembre 1944. Oui. Et alors, j'ai rejoint le front. Et j'étais la seule nouvelle venue. Il faut dire qu'il y avait eu le débarquement, donc les Allemands étaient retournés vers l'Allemagne pour préparer une riposte. Non, non. Les Allemands se défendaient en Belgique. En Belgique aussi. Il y a eu une contre-attaque énorme en Belgique et qui n'a été terminée que vers l'hiver, vers Noël 1944. Alors à ce moment-là, dans notre vie, il y a une rencontre très importante, c'est le colonel Fabian. Oui. Vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé? C'est là où vous devenez une espionne, en quelque sorte. C'est un peu grâce à lui. Oui, mais je vais vous montrer comment ça s'est passé. Pendant 3 semaines, je m'occupais de nos troupes au front. Mais ça, vous lirez dans le livre. Et un jour, je traversais le square de la petite ville où nous étions cantonnés, et le colonel Fabien m'a arrêté. Je ne l'avais jamais rencontré. Je savais qu'il était le résistant qui avait tué le premier Allemand en 1943 au métro Barbès-Rochechouart. Mais il s'était évadé. Ça, je le savais. Alors, je l'ai rencontré, il m'a arrêté. Et il m'a demandé de répondre à son téléphone pendant son déjeuner. Je suis allée avec lui dans son bureau, il m'a montré ce qu'il faire, et en partant, très courtois, il m'a dit « Je suis désolée, je n'ai rien à lire pour vous, il n'y a que des livres allemands. » Et je lui ai répondu « Je dis l'allemand couramment. » Alors, très intéressé, il est revenu vers moi et m'a demandé si je le parlais. Et je lui ai dit « Aussi bien que le français. » Alors, il m'a expliqué que dans l'armée allemande, tous les mâles, de l'âge de 12 ans jusqu'à la vieillesse, étaient en uniforme. Donc, aucun homme, un homme en vêtements civils dans les rues d'Allemagne serait immédiatement arrêté. Et c'est pourquoi il fallait des femmes. Et il m'a demandé si j'acceptais d'être transférée au service de renseignement de l'armée. Et j'ai accepté. Et c'est comme ça que je suis devenue une espionne. Aussi simple que cela. Alors, il y a eu une formation aussi d'espionne. Ah oui. Qui dure combien de temps Ça a été plusieurs semaines, mais c'était excessivement intensif. Et là, on vous a trouvé un amant allemand qui s'appelle Hans. C'est moi qui ai demandé cela. Parce qu'on m'a dit, quand j'ai terminé l'entraînement, le coder, décoder, en fait, lire des cartes, tout ce que je devais. Se servir d'armes aussi. Oui, se servir de toutes les armes. Tout ça, j'avais passé. C'était fini. Ils m'ont demandé de créer mon propre alibi qui tiendrait beaucoup mieux qu'un alibi donné. Alors, c'est moi qui ai demandé un fiancé, parce que je savais à quel point les Allemands étaient romantiques. Ils pouvaient prendre un enfant juif ou un enfant tzigane et le jeter contre le mur et le tuer, mais ils étaient quand même très romantiques. Alors, j'ai trouvé qu'il me fallait un fiancé allemand, militaire, et que ça m'aiderait dans l'armée. Parce que je savais, nous savions tous en France, que tout était chaotique à la fin de la guerre. Et tous les prisonniers allemands ou blessés allemands en France ne pouvaient pas communiquer avec leur famille. Je savais cela. Alors j'ai trouvé que c'était une chose essentielle pour moi, que ça m'aiderait à voyager, à bouger, si j'ai un fiancé allemand que je cherche. Alors ce fiancé était prisonnier. Oui. Et il a écrit sous la dictée des lettres d'amour. Absolument. Quel était votre nom d'espionne ? Martha Ulrich. Martha Ulrich. Et oui. Donc, vous êtes partie... J'avais d'autres choses dans mon alibi. Que mes parents avaient été tués dans un bombardement, que je n'avais ni frère ni sœur, que j'étais toute seule. Je n'avais plus que Hans. Il faut comprendre ça. C'est très important. Et comment ça se passe ? Eh bien, d'abord, on a essayé de me faire traverser le front, pas en Allemagne, en Alsace, 13 fois. Et je n'ai jamais réussi. Pourquoi ? Parce que les choses bougeaient tellement. Pendant la guerre, tout est fluide. On me disait, allez à tel endroit où vous trouverez telle chose. J'arrivais, je ne trouvais rien. Et c'était quelle chose vous deviez trouver ? Bien, je devais trouver un groupe d'Allemands ou... Qui étaient complices ? Non. Mais auquel je devais me joindre et d'où je devais envoyer des informations. Mais je n'avais jamais de radio, parce que quand on est seul, on n'a pas de radio. Alors il y avait... Votre mission, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'on vous dit comme mission ? Quand j'ai fini par rentrer en Allemagne, on m'a dit seulement « bougez beaucoup ». Et essayez d'obtenir toutes les informations que vous pouvez. C'est tout ce qu'on m'a demandé. On ne m'a rien demandé de plus que cela. D'accord. Et vous n'aviez pas de moyen de communication particulier ? Si. Le morse ou comment c'était ou... Non. Je savais coder, mais ce n'était pas ça qui était important. Il fallait que je marche de Freiburg à la frontière suisse où il y avait des fermiers allemands très catholiques, très anti-Hitler, et une de leurs filles était mariée à un agent français dans le bon service. Alors, il venait en Suisse et restait du côté suisse de la barrière. C'était en pleine campagne. D'accord. Et c'était du fil de fer barbelé. Ah, ok. Et il restait du côté suisse, sa femme venait du côté allemand, restait du côté allemand, mais ils échangeaient mes lettres. D'accord. De mon service ou de moi à mon service. On est à quelle date ? Le 11 avril 1945. C'est-à-dire un mois, moins trois jours avant la fin de la guerre. Votre mission va durer qu'un mois alors ? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce mois et comment vous allez vous intégrer aux Allemands et quel type d'informations vous allez ramener en France ? Eh bien, je suis arrivée à Singen. Et de Singen, je suis allée à Freiburg. Et on m'avait dit qu'on avait très peu d'informations sur ce qui se passait avec les civils, comment ils réagissaient à la guerre et comment ils se comportaient. Je devais aussi envoyer des informations à ce sujet, pas seulement militaires, mais aussi à ce sujet qui était important pour les Alliés qui allaient envahir l'Allemagne, de savoir ce qui les attendait. Et j'observais constamment. Vous travailliez à ce moment-là comme infirmière ou vous aviez un métier en Allemagne ? Non. J'étais supposée avoir un travail en Allemagne à Constance, mais on avait oublié de me dire, et j'avais oublié de demander, le nom de la clinique dans laquelle je travaillais. Et c'est une faute, ça. Et on m'a donné, la veille de mon départ, on m'a donné des bons pour tout ce que j'avais besoin en Allemagne. Mais on était incapable de me dire comment procéder avec ces bons. Vous pouvez pas aller dans un bureau et simplement les donner. Il faut savoir comment procéder. Et c'est pourquoi j'ai eu si peur à la frontière, parce que j'ai réalisé soudainement tout ce que je ne savais pas. Et je me suis souvenue que je ne savais pas le nom de la clinique où j'étais supposée travailler. Alors là, pendant un mois, vous allez errer, on va dire. Est-ce que vous avez un point d'ancrage, un endroit où vous allez pouvoir dormir ? J'avais trois adresses. Une à Singen, une à Freiburg et une à la ferme des gens qui savaient que j'étais une agente française et qui m'aidaient. Mais les autres ne savaient pas que... Les autres croyaient que j'étais envoyée par un de leurs amis, le médecin pour qui je devais travailler à Constance. C'était un Alsacien qui avait été obligé d'être dans l'armée allemande, qui avait été blessé très sérieusement sur le front russe, envoyé à Constance où il était obstétricien. Ah oui. Alors, il travaillait pour les femmes et ces malades l'adoraient. Alors, c'est lui qui m'a donné les adresses. Je ne l'ai jamais rencontré, mais par mon service, j'ai eu les adresses. J'ai eu toute la description de cet homme, de ce médecin, qui était alsacien. Mais lui, il avait échappé, il était en Alsace. Et là, grâce à vous, vous allez accélérer la victoire des Français contre les Allemands. Mais il faut que je vous explique comment. Allez-y, au début, quand je suis arrivée à Freiburg, j'observais et j'ai remarqué que les Allemands marchaient toujours dans la journée en groupe parce qu'il y a toutes les transports étaient complètement arrêtés le jour à cause des bombardements alliés. Ils ne fonctionnaient que la nuit. Le jour, les Allemands marchaient, et ils marchaient toujours en groupe parce qu'ils n'aiment pas être seuls. j'ai choisi un groupe qui allait dans la direction où moi je voulais aller. Et dans ce groupe, il y avait un SS qui revenait du front russe, qui nous a immédiatement dit qu'il avait été blessé au front russe, qu'il était maintenant assigné à la ligne Siegfried, et en marchant, il nous racontait toutes les atrocités qu'ils avaient commises sur le front russe. C'est la première fois que j'entendais à quel point les atrocités étaient pires, mais mille fois pires que tout ce qui se passait dans l'Ouest, dans la zone Ouest. Par exemple ? Oh, ils tuaient des gens en masse, simplement en les regardant, ils les fusillaient. Il y avait eu au radeau quand même. Ils les enterraient même vivants. Ouais. Et ils jetaient dessus des acides et les brûlaient. Mais vous saviez à ce moment-là qu'il y avait des camps d'extermination ? Non, parce que les Américains et les Anglais nous ont gardés dans le noir. Ils n'ont pas voulu que nous le sachions. Ils nous ont jamais dit qu'il y avait des camps de concentration. Les Allemands prétendaient qu'ils les envoyaient pour travailler. Et nous le croyons, nous pensions que c'était étrange qu'ils envoient des femmes et des enfants, mais on n'avait pas de réponse à ça. Parce que les Américains et les Anglais ne nous donnaient pas, ne nous disaient pas la vérité. D'accord. Vous pouvez expliquer ce qu'est la ligne Siegfried ? C'est une forteresse souterraine qui était construite en face de la ligne Maginot. C'était l'image absolue de la ligne Maginot, mais du côté allemand. Ouais. Et c'était imprenable. Comme la ligne Maginot était imprenable. Vous avez pu donner des renseignements au service français ? Oui, oui. Parce que quand un SS s'est évanoui, je l'ai traité, je l'ai soigné. Et quand il a regagné conscience, il a été tellement reconnaissant qu'il m'a invité à le visiter à la ligne Siegfried et il m'a donné son numéro de téléphone. 3 semaines après, je suis revenue à Freiburg et j'ai entendu à la radio allemande que les troupes alliées étaient très proches et allaient envahir Freiburg. Alors j'ai pensé, il faut absolument retourner à la ligne Siegfried, voir ce qui s'y passe. J'ai marché jusqu'à la ligne Siegfried, je marchais partout. Et 10 kilomètres. Et en arrivant, j'ai découvert que la ligne Siegfried était complètement évacuée. Les derniers traînards partaient. Et m'ont tous dit, tout le monde est parti, il n'y a plus personne. Quand vous êtes dans les renseignements, il faut que chaque renseignement soit prouvé 3 fois. Sinon, ça ne compte pas. Alors, j'ai demandé à plusieurs traînards qui marchaient indépendamment et ils ont tous confirmé la ligne Siegfried était évacuée. Alors, je suis retournée à Freiburg le plus vite possible parce que j'ai tout de suite compris que si les Alliés n'avaient pas à conquérir la ligne Siegfried, ils pouvaient envahir le reste de l'Allemagne beaucoup plus rapidement et gagner la guerre. Alors je suis retournée à Freiburg et dans Freiburg, la ville était désertée. Tous les Allemands savaient qu'une armée étrangère allait les envahir, ce qui est très effrayant. À ce moment-là, les Français pensaient que la ligne Siegfried était un obstacle et qu'ils allaient devoir se battre. Oui, mais ils l'ont évité. Ils sont entrés dans Freiburg. Grâce à vous, parce que vous les avez prévenus ? Non, ils sont arrivés à Freiburg avant que je prévienne. Mais il fallait d'abord les rencontrer. Alors j'ai attendu dans l'avenue la plus importante de Freiburg. Et le premier tank est arrivé vers moi. Alors, je n'avais aucun document prouvant qui j'étais. Comment allais-je leur dire que j'étais une amie et pas une ennemie. Je suis allée au milieu de la rue, de l'avenue, et j'ai fait le V de la victoire de Winston Churchill. J'ai levé mon bras, je ne peux plus le faire, le plus haut possible, et j'ai fait ce V. Et comme j'ai énormément de baraka, de chance, le tank s'est arrêté et ne m'a pas écrasé. J'ai demandé que l'officier descende et me parle, parce que je ne pouvais pas parler devant tout le monde. Et il est descendu. Et je lui ai dit que j'avais des informations extrêmement importantes, qu'il fallait m'emmener immédiatement à l'état-major. Et il m'a emmené. Et une fois à l'état-major, j'ai rencontré le commandant Petit du 2e Zouave, un autre régiment de la 1ère armée, et je lui ai donné les informations. Et il m'a dit qu'il me dit que c'est vrai. C'est peut-être une trappe. Alors j'ai simplement écrit un numéro de téléphone, parce que nous avions la même technologie que la 3e et 6e armée américaine avec qui nous étions dans le même secteur. C'est-à-dire que nous pouvions téléphoner à n'importe quel service, où qu'il soit. Alors le commandant Petit a téléphoné, ils l'ont rassuré qu'ils pouvaient me faire confiance, et ils étaient contents de savoir que j'étais encore en vie. Je n'avais pas de radio, donc je ne pouvais pas communiquer facilement. Et le commandant Petit a envoyé une patrouille à la ligne Siegfried, qui est revenue, a dit « c'est vrai, la ligne Siegfried est évacuée ». C'est comme ça qu'ils l'ont appris. Et donc, ils ont gagné du temps, là. Ah oui, énormément. Et le commandant Petit m'a invité à dîner, il m'a donné une chambre cette nuit-là, et le lendemain matin, au petit déjeuner, il m'a demandé si je voulais retourner à mon service. Je lui ai dit non, ma mission ne termine que le jour de l'armistice. Il faut que je retourne en zone allemande, que je franchisse le front ce matin, mais je lui ai demandé une bicyclette, parce que j'en avais assez de marcher. Mais dites-moi, vous aviez peur un peu là, vous aviez... Il y avait des moments où j'avais très peur, mais là, il n'y a... qu'à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne où la peur a duré très longtemps. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. De sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur en de gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Comprimer la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languirant tutelle. L'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Et donc pas de devoir sans droit. Dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Soulet de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'oisifiera, loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent. Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous avons certes changé d'année et par la même occasion de calendrier, mais la réalité sociale, elle, demeure. Une chape de plomb, c'est comme durablement installée sur le pays. Que l'on connaisse la précarité ou que l'on soit matériellement plus préservé, personne ne se sent plus vraiment à l'abri de rien. La peur du déclassement, le constat que les enfants vivent moins bien que leurs parents, la crainte de perdre son emploi, de bénéficier d'un emploi tellement précaire qu'il ne permet plus d'assurer les projets qui balisent une vie normale, la peur d'une mobilité géographique contrainte. Il est loin le temps où, lorsque l'on était insatisfait de son travail, on pouvait en démissionner avec l'espoir d'en trouver un autre très rapidement. Il est loin le temps où il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi. Il n'y a guère que les vœux présidentiels qui permettent, telle une page de publicité, de rêver à une autre réalité. Le 31 décembre, un peu après 20h, Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces Français qui subissent l'extension de la pauvreté ou de la précarité depuis le début de ce quinquennat. Ils ont dû être ravis d'apprendre dans la bouche du président que la France n'avait, je cite, « jamais connu un tel élan ». Depuis le début de ce quinquennat, vous nous appelez surtout à nous réjouir de sursauts statistiques qui ne modifient rien de la réalité sociale profonde du pays et qui ne tiennent pas compte de cette précarité de l'emploi. Vous louez le dynamisme de la création d'emplois et avez dit récemment d'ailleurs que l'on n'avait jamais autant embauché de ces 20 dernières années. C'est vrai. C'est vrai, mais à quel prix ? Au prix d'une précarité de l'emploi qui s'est considérablement renforcée. Pour être exact, il faudrait plutôt dire on n'a jamais signé autant de contrats de travail que ces 20 dernières années. Mais peut-on s'en réjouir quand on sait que 87% de ces contrats signés sont des contrats courts, que 83% de ceux-ci durent moins d'un mois et qu'un tiers d'entre eux durent moins d'une journée. Moins d'une journée, Madame la Ministre. Quelle vie peut-on prévoir quand le travail est à ce point précaire ? Aucune, absolument aucune. Alors que nous produisons plus de richesses que jamais, la vie ne peut se résumer à une guerre permanente pour subvenir à ses besoins les plus primaires. Ce n'est ni supportable ni acceptable. Vous dites aussi que le taux de chômage est au plus bas niveau depuis 10 ans, mais vous oubliez de dire que le gouvernement a fait le choix de ne plus publier de statistiques trimestrielles. Il faut donc y ajouter les chômeurs qui ont eu seulement quelques heures d'activité, les chômeurs empêchés de travailler immédiatement, les découragés qui se retirent de Pôle emploi où il y a toujours environ une offre d'emploi non pourvue pour 100 chômeurs disponibles. Bref, le chômage de masse et la précarité de l'emploi demeurent la toile de fond de la situation sociale du pays. Y a-t-il pour autant moins de tâches à accomplir ? Assurément non. Et si l'on veut bien se projeter un instant depuis cette Assemblée sur tout ce que nous aurions déjà dû commencer depuis un long moment pour répondre aux défis humains et techniques qui se dressent devant nous, qui est le changement climatique et face auquel nous perdons beaucoup de temps du fait de votre aveuglement idéologique ou de la poursuite de vos vieilles recettes. Songeons-y, la transition énergétique, la transition agricole, la relocalisation de notre activité, l'économie de la mer, ce sont des centaines de milliers, voire plusieurs millions d'emplois nouveaux qui attendent d'être créés. Au lieu de quoi, la seule trajectoire que vous nous proposez de suivre demeure la compétition, la concurrence et la réduction des coûts. Votre politique de l'emploi tient sur deux jambes, mais elle ne marche pas. La première jambe, c'est la réduction des droits des travailleurs. Vous figurez, en dépit du bon sens, qu'il y a un lien entre la réduction des droits des travailleurs dans l'entreprise et le niveau d'emploi. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en discuter tout à l'heure lorsque nous évoquerons les résultats de la mise en place de vos ordonnances sur le code du travail. La deuxième jambe, c'est l'incitation fiscale sans contrepartie et les cadeaux aux plus gros détenteurs de capital dans l'espoir qu'ils rejaillissent de manière presque magique sur l'emploi. Ainsi, vous avez supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune en nous promettant une relance de l'investissement productif. Eh bien, par exemple, sur les PME, depuis la suppression de l'ISF, les investissements ont reculé de 70%. Vous avez pérennisé le CICE en baisse de cotisation, mais c'est bien très cher. 200 000 euros en moyenne, l'emploi créé ou maintenu par le CICE. Sur le front de l'emploi, s'il y a donc une chose à souhaiter pour cette nouvelle année, c'est bien que vous changiez de braquet. J'en suis certain, et donc je ne vais pas le taire, si nous étions aux affaires, nos résultats seraient bien meilleurs que les vôtres. Nous ne renonçons pas au plein emploi, et la feuille de route est pour cela toute tracée. Il faut partager le temps de notre travail et non pas allonger sa durée comme vous vous apprêtez à le faire avec la réforme des retraites. Il faut rompre avec le libre-échange que vous consolidez et continuez de développer. Augmenter les salaires car c'est une condition du nécessaire partage des richesses et une garantie pour la consommation populaire. Investir massivement et faire bifurquer radicalement les politiques publiques vers la planification écologique. J'ai sans doute assez parlé, assez troublé la fête déjà, et donc je vous laisse aux réjouissances de l'entre-soi. Bonjour, la future réforme des retraites, un débat, deux conceptions et des explications, c'est tout de suite dans Dimanche en politique avec Laurent Pietraszewski, ancien député du Nord, devenu en décembre secrétaire d'État chargé des retraites. Bonjour. Bonjour Véronique Marchand. Et Adrien Quatennens, toujours député du Nord, numéro 2 de la France Insoumise et en charge des retraites pour son parti. Bonjour. Bonjour. Alors après 8 semaines de conflits et de grèves, le texte du gouvernement a été présenté vendredi en Conseil des ministres, assorti de la fameuse étude d'impact. Le texte va donc être bientôt, mi-février, discuté au Parlement, avec pour objectif une publication officielle cet été. Qu'est-ce qui a été modifié pour que certains passent de la contestation à l'approbation? Qu'est-ce qui est ou n'est pas négociable? Qu'est-ce qui reste flou? À vous, messieurs, de rendre compréhensible un sujet technique et qui concerne pourtant 100% des citoyens dans cette émission enregistrée hier matin. Alors on commence par la philosophie du projet. On n'a pas beaucoup de temps, Laurent Pietraszewski, alors on va pas tourner autour du pot. On laisse les éléments de langage de côté et on le dit clairement, le projet a pour but de faire travailler les Français plus longtemps. D'après un sondage Elab pour BFM qui a été publié jeudi, 61% des Français demandent à Emmanuel Macron de tenir compte de la contestation et de retirer le texte. Pourquoi le pouvoir que vous représentez ne veut-il pas entendre qu'une grande majorité des citoyens ne veut pas travailler plus longtemps ? Véronique Marchand, le texte, il a pour but de redistribuer aux 40% des futurs retraités les plus vulnérables. Vous ne pouvez pas passer sous silence cette dimension qui est la dimension essentielle du texte. Pourquoi nous portons ce projet de justice sociale ? Pour les futurs retraités qui vont percevoir moins de 1 400 € de retraite. C'est ça notre objectif, c'est notre objectif politique et de société. Adrien Quatennens, êtes-vous d'accord avec cette présentation de la philosophie du projet ? Il va sans dire que non, mais pour une raison que tout le monde comprend, c'est que depuis 2 ans et demi qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on a l'habitude que des réformes que moi je juge antisociales soient bien emballées avec un maquillage qui, somme toute, est assez alléchant. D'ailleurs, Laurent Pietraszewski, avant d'être à sa responsabilité de secrétaire d'État, avait été rapporteur, souvenez-vous-en, de la loi des ordonnances travail. Aujourd'hui, il est en charge de faire en sorte qu'advienne une règle commune, un régime universel, comme on nous dit, pour toutes et tous, et qu'on arrête avec ces horribles régimes spéciaux. Mais s'agissant du Code du travail, une règle commune, précisément, qui s'appliquait à tous, il s'est agi, en quelque sorte, de créer autant de régimes spéciaux qu'il y a d'entreprises. Donc moi, je considère d'abord que l'universalité dans la bouche de ce gouvernement n'est qu'un alibi. Évidemment, si Emmanuel Macron s'était présenté devant les Français et leur avait dit « Écoutez, comme je ne consens pas à l'idée de mieux répartir la richesse produite, vous allez devoir travailler toujours plus, plus longtemps et au-delà de l'espérance de vie en bonne santé », je crois qu'il y aura encore plus que 61% des Français qui seraient opposés à cette réforme. Mais vous avez raison de dire qu'après plus de 50 jours de grève, les Français n'en veulent pas. Parce que si le gouvernement considère que le temps joue en sa faveur et que la grève va s'user, il y a une chose qui est très claire, c'est que les Français comprennent que travailler plus longtemps n'est pas du tout inéluctable pour financer nos retraites. Désaccord sur la philosophie donc. Sur la question du financement des retraites, le gouvernement ne veut pas que ce poste de dépense, les retraites, dépasse 14%. Et même dans le projet, il est question que ça ne dépasse pas 13,8, puis 13,5, bon, vous nous préciserez ça. En fait, c'est un choix de société que pose la question de ce projet de réforme. C'est le sens du travail, c'est le sens de la vie, c'est le sens de la manière dont notre société considère la vieillesse. Pourquoi 14%, c'est trop ? Allez, faisons vite quelques éléments de réponse à Adrien Quatennens qui a enchaîné un raisonnement logique, en tous les cas en apparence. Redisons les choses clairement. Il y a 42 régimes différents de retraite. Ah non, vous êtes revenu en arrière sur les régimes spéciaux. Non, mais je dis un mot et je vous réponds. Il y a 42 régimes de retraite différents. Il y a la réalité, c'est qu'il y a une inégalité devant la retraite des Français. C'est en cela que nous créons l'universalité que vient d'évoquer, et je remercie Adrien Quatennens d'avoir souligné qu'il y avait une dimension d'universalité dans ce que nous proposons. Alors, vous posez la question, mais vous avez déjà souligné le mot universalité, et je crois que c'est important que vous l'ayez dit. Disons un mot des éléments de financement, c'était votre question. L'étude d'impact est très claire, elle présente une trajectoire, ce qu'on appelle une trajectoire budgétaire, qui s'exprime en pourcentage du produit intérieur brut. De la richesse nationale annuelle. La richesse nationale annuelle, vous avez raison. Eh bien, cette trajectoire, nous avons rappelé qu'elle se faisait, nous faisions cette transformation de retraite, des retraites à enveloppe constante. C'est-à-dire mais pourquoi que... C'est ça, ma question, elle porte sur la philosophie. Pourquoi voulez-vous bien, que ce soit c'est à enveloppe parce que nous ne faisons pas d'économie. C'est parce que nous ne faisons pas d'économie. Et c'est la différence qu'il y a entre la transformation de société que nous portons et les réformes budgétaires techniques qui ont pu être faites précédemment, puisque celles-là, elles étaient budgétaires. Qu'on vous comprenne bien, monsieur le ministre. Nous sommes sur une transformation sociale. Qu'on vous comprenne bien. Vous voulez diminuer la part du financement des retraites dans la richesse nationale. Moins d'argent pour les vieux. C'est intéressant, votre façon de lire le sujet, mais ce n'est pas exact. Voilà, au moins, vous allez me répondre. Ce n'est pas exact. Prenons la réalité. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur les 10 dernières années? D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous suivent en ce dimanche à aller sur le site du COR, du Conseil d'orientation des retraites, conseil indépendant, ils pourront le vérifier. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous avons, dans les 10 dernières années, vu 2 millions de Français devenir retraités en plus. Nous avons vu les pensions moyennes augmenter de 20%. Et tout cela en restant sous la part, sous le, de 14% du produit intérieur brut. Pourquoi? Parce que cette richesse nationale, elle se développe. Et elle se développe plus vite que le besoin financier pour avoir de bonnes retraites. Adrien Quatennens, votre réponse là-dessus. Sur, est-ce qu'on doit se contenter de 14%? Et voilà, c'est, bah, vous faites un autre choix de société, vous. On va parler de l'étude d'impact, mais l'étude d'impact dit... On va y revenir tout à l'heure. Elle dit précisément que même la part du PIB consacrée aux retraites va baisser. Bon, tout ça est le un peu PIB, technique. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Jusqu'à présent, en tout cas, et ça aussi, c'est vérifiable, même si notre système de retraite a déjà subi quelques coups de canif importants depuis quelques dizaines d'années, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on peut le vérifier, à peu près proportionnellement, on augmentait la part des richesses consacrées aux retraites. En disant en quelque sorte, comme ça a été dit par votre prédécesseur, le regretté Jean-Paul Delevoye, que 14% serait un plafond, eh bien, c'est une annonce d'un potentiel décrochage, puisqu'on peut anticiper que la part des seniors, elle, va continuer à augmenter. Pour le dire autrement, le système par points, j'essaye de le résumer à grands traits, c'est de considérer que d'un objectif en quelque sorte comptable, budgétaire, la variable d'ajustement est la vie des gens à travers l'âge auquel ils partiront à la retraite. Moi, je pense qu'il faut pouvoir faire tout l'inverse. D'ailleurs, je déplore que depuis quelques mois, on parle de la retraite que comme d'un problème mathématique, une équation à résoudre. Non, la retraite, c'est un nouvel âge de la vie. Et moi, j'en ai assez des discours. On a l'impression d'entendre des fichiers Excel et des calculatrices nous parler, alors qu'on parle d'un autre âge de la vie. Juste, si vous permettez, pour être à peu près aussi long que notre interlocuteur, revenir sur quelques éléments que le ministre a dit. Sur les 42 régimes, moi, j'interroge toujours, je n'ai toujours pas trouvé ces 42 régimes. On a le gouvernement qui parle de 42, mais le COR parle de 23 ou 18, je crois, une vingtaine. On a l'impression quand même que dans les éléments de langage, Jean-Paul Delevoye a ajouté autant de lignes de régime qu'il avait oublié de lignes dans sa déclaration à la Haute Autorité. Vous revenez en arrière. En réalité, pour moi, cette affaire, c'est faire le pari que la jalousie des Français entre eux serait supérieure à l'aspiration générale à de bons niveaux de pension. Et je crois que c'est un pari perdu et que les enquêtes d'opinion le montrent. Ensuite, un des arguments auxquels s'accroche souvent le gouvernement, c'est de dire, et vous auriez raison, nous avons été élus, Emmanuel Macron après tout a été élu, c'est incontestable, on pourrait discuter longtemps des conditions de son élection, et il avait un programme. Eh bien moi j'invite toutes celles et ceux qui auraient gardé le programme d'Emmanuel Macron, s'agissant des retraites, à le ressortir. Puisqu'en page 13 du programme d'Emmanuel Macron, on parlait des retraites en ces termes. On disait... Nous ne toucherons pas, je le cite Emmanuel Macron, ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. C'est un double mensonge, car précisément ce système par points va faire les deux. Oh, tout le monde a compris que l'âge légal de départ ne serait pas modifié. Oui, chères Françaises, chers Français, vous aurez toujours le droit de partir à 62 ans. Mais il vaudrait mieux pas pour vous, parce qu'avec le système de bonus-malus, vous allez être, si vous partez avant, les grands perdants. Donc moi je pense au contraire que... Le système par points, en quelque sorte, est la solution de celles et ceux qui refusent l'essentiel, partager la richesse produite. Je m'arrête juste un instant là-dessus, Véronique Marchand, mais quand on apprend qu'il y a 42 milliards d'encours bancaires pour un régime spécial des très riches dont on ne parle pas, les retraites chapeaux, 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires, etc., etc., une productivité qui a augmenté, moi j'interroge, monsieur le ministre, à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin et ne pouvez pas vous consentir au fait que la richesse dans ce pays est très mal répartie et que la seule modalité que vous acceptez en quelque sorte, c'est que les Français travaillent toujours plus longtemps et au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Ça n'est pas de mon point de vue sérieux, raisonnable, ni même désirable d'ailleurs. Oui, on entend bien, Véronique Marchand, mais c'est vrai que la difficulté, je comprends et je connais la capacité d'Adrien Quatennens pour avoir été en proximité avec lui à l'Assemblée nationale, même si nous étions dans des groupes très différents, sa capacité à mener des raisonnements. Mais souvent, très souvent, quand il mène un raisonnement, il part d'un postulat où la première étape est erronée. Premièrement, il nous dit qu'il n'y a pas 42 régimes. Mais si. Ah non, revenez pas sur les régimes spéciaux. Il suffit qu'il. Non, il y a 42 régimes différents. Agir Carco, fois, monsieur le ministre, ça a été fusionné et vous les comptabilisez comme deux. S'il vous plaît, vous allez être trop technique pour nos téléspectateurs, attention. Juste pour dire, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas toujours dire c'est faux. Il faut aussi donner des éléments factuels, parce que ceux qui nous suivent peuvent le vérifier. La question était pourquoi travailler plus longtemps ? Alors, nous y allons. Nous y allons. En sachant, monsieur le ministre, que l'espérance de vie en bonne santé des Français, c'est grosso modo 63 ans. Pourquoi vouloir faire travailler les gens plus longtemps ? Ça veut dire, quelque part, une forme de maltraitance institutionnelle. Mais, vous envoyez les gens à la retraite en mauvaise santé. Il vous a pas échappé qu'il s'était passé des choses dans la mandature précédente. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé dans la mandature précédente ? Il a été voté par l'Assemblée nationale en 2014, ce qu'on appelle la loi Touraine, qui fait qu'en 2035, pour l'ensemble des Français qui nous suivent, la durée de travail, la durée d'activité sera de 43 années. C'est la réalité. D'accord. J'invite tous ceux qui en doutent à aller sur Internet pour le vérifier. L'âge moyen d'entrer dans la vie active est de 22 ans, qu'on ait ou pas fait des études. J'invite tous ceux qui le doutent à vérifier cela. 22 ans plus 43 ans égale 65 ans. Donc, à votre question, Véronique Marchand, est-ce que le gouvernement est dans une dynamique qui est uniquement basée sur le fait de travailler, faire travailler plus longtemps les uns les autres ? La réponse est non. Il est dans une dynamique qui vise à redistribuer aux plus modestes. Mais il dit aussi, parce que c'est un gouvernement responsable, qu'il faut que cela soit équilibré. Parce que moi, j'ai un engagement de responsabilité vis-à-vis des générations qui nous suivent. Et je ne veux pas leur laisser, un, la dette du pays, deux, la charge de payer les pensions des futurs retraités. Vous dites, vous le gouvernement, et vous dites, les retraites ne seront plus financées d'ici 5 ans. Sur quoi vous vous basez ? Non, c'est pas comme ça que le Conseil d'orientation des retraites s'exprime. Mais j'entends votre question et j'essaie d'y répondre. Le Conseil d'orientation des retraites dit il y a un déficit et ce déficit sera autour, prenons l'hypothèse médiane, de 12 milliards. Rappelons que le Conseil d'orientation des retraites n'est pas une instance ultralibérale. Il y a des représentants de tous les partenaires sociaux, CGT comme du MEDEF. Donc ces chiffres sont incontestables. Il manque 12 milliards et c'est l'objet de la conférence de financement que de réfléchir au retour à l'équilibre pour 2027. Sur ce constat, ou cette prévision de déficit. Sur le déficit, on parle effectivement de 8 à 17 milliards selon le Conseil d'orientation. Admettons, accordons-nous sur 12 d'ici à 2025. D'abord, il faut relativiser le poids du trou sur l'ensemble de ce que pèse la question des retraites. C'est 330 milliards d'euros, les retraites. Mais je ne vais pas biaiser avec le fait qu'il y a un déficit. Par contre, j'interroge sa provenance, si vous le voulez bien. Parce que souvent, on n'en parle pas. D'où provient ce déficit ? Largement du fait qu'on se soit privé de recettes. Mais actuellement, notamment, il n'y en a pas de déficit. Non, mais il y en aura un potentiellement, selon les hypothèses du corps, à horizon 2025. Mais moi, j'interroge la nature de ce déficit. D'où provient-il ? Il provient notamment du fait que les salaires des fonctionnaires soient gelés. Il provient d'une baisse de recettes. Il provient du fait qu'en quelque sorte, quand Emmanuel Macron poursuit une politique inefficace d'exonération sociale et fiscale, il creuse lui-même un trou dans la caisse. On connaît bien cette politique qui a été étudiée outre-Manche également, qui consiste en quelque sorte à creuser un trou dans la caisse, à attendre quelques temps que ça se tasse, puis à revenir derrière pour dire « Les amis, vous voyez, il y a un trou dans la caisse, il faudra donc faire des économies ». Moi, surtout, j'interroge quand on voit l'importance de la richesse produite, ne peut-on pas imaginer que sa meilleure répartition par la hausse des salaires et des cotisations permette de financer le modèle de retraite ? Mais surtout, le système actuel est accusé finalement de toutes les tares, alors que même s'il a déjà subi les réformes précédentes, il permet notamment que le taux de pauvreté des seniors en France, comparativement à nos voisins européens, est inférieur. Je voudrais juste un instant sur la notion de travailler plus longtemps. Moi, je vous ai dit mon désaccord, mais surtout, j'interroge l'efficacité de cette mesure. Travailler plus longtemps aujourd'hui en France, est-ce que cela fonctionne ? Vous avez un actif sur deux à l'âge d'arriver à la retraite qui n'est déjà plus en emploi. Vous avez dans ce pays, Véronique Marchand, 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ont leurs années de cotisation, qui attendent de venir à la retraite. Donc, je le dis à Monsieur le ministre, en quelque sorte, travailler plus longtemps va avoir un impact, c'est d'aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors et de l'autre, le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans la vie active. Par conséquent, s'il s'agissait de combler un déficit, ce qui n'est pas, à mon avis, l'intention du gouvernement, en quelque sorte, eh bien, ce serait un transfert des caisses des retraites vers les caisses du chômage. Ça n'est pas sérieux. Laurent Pietraszewski, quand Adrien Quatennens dit la provenance du déficit, c'est en gros un manque de recettes pour les caisses de retraite, ça veut dire aussi que ce sont des cotisations qui ne rentrent pas assez. La piste de l'augmentation des cotisations, des salaires des femmes, une véritable égalité, elle n'est pas sur la table du gouvernement. Ouais, écoutez, elle est tout à fait sur la table. Un mot là-dessus. Le système actuel de retraite qui est injuste, pourquoi il est inégal et injuste ? Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans la vie active, autour de 20%. Vous savez que Muriel Pénicaud travaille sur ce sujet pour les réduire et demande aux entreprises de faire des efforts. Non, mais ça fait 40 ans et ça n'arrive pas. Le système actuel de retraite, qui devrait être le reflet de la carrière, produit des pensions avec 42% d'écart entre les hommes et les femmes. Nous démontrons simplement que le système est injuste et qu'il contribue à augmenter l'écart. Mais ce que nous proposons, nous, c'est d'augmenter bien plus vite les pensions des femmes. On va y revenir tout à l'heure. Allez. Et donc, non mais c'est important, parce que, en fait... Là, on parlait de salaire et de cotisation sociale, pas encore de retraite. J'entends bien. Les cotisations, elles viennent d'où les cotisations ? De l'emploi. Voilà. Qui a fait baisser d'un pour cent le nombre de chômeurs, et donc avec une dynamique de création d'emplois réelle depuis 2015, c'est vrai, d'1 million. Et ce sont les derniers gouvernements qui se sont succédés. Donc nous voyons bien que nous avons là une volonté réelle, lorsque nous créons une politique efficace pour l'emploi, de faire rentrer aussi des cotisations dans le système. Et on termine là-dessus pour aborder l'âge pivot. Faisons, vous et moi, si vous le voulez bien, l'économie du simple comparatif entre le système actuel et le système que vous proposez, parce que je vais vous rassurer tout de suite, je ne défends pas non plus le statu quo et le système actuel. Moi, je crois effectivement qu'on a quelques problèmes dans le système actuel. Je considère par exemple que les gens partent déjà, de mon point de vue, trop tard et trop pauvres. Donc, ce n'est pas en tirant à feu constant sur le système actuel que vous pourrez finalement améliorer les conditions de notre débat. Moi, je considère effectivement que, s'agissant par exemple de l'inégalité persistante des salaires entre les femmes et les hommes, effectivement 22% que vous avez cité, vous devez savoir que si véritablement on faisait autre chose que ce que fait Madame Pénicaud, c'est-à-dire pour l'essentiel de l'incantation et des vœux pieux, eh bien en réalité, solder cette affaire immédiatement permettrait de financer pour le court terme la retraite à 60 ans que par exemple nous proposons. Vous voyez, moi je considère effectivement que sur la question des retraites, l'objectif doit être la vie des gens. À quel âge vous semble-t-il décent de partir à la retraite si on considère ce qu'est l'espérance de vie en bonne santé? Si on considère aussi qu'entre un cadre et un ouvrier, vous le savez, il y a 6 à 7 années d'écart d'espérance de vie. Qu'entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, il y a jusqu'à 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc effectivement, moi je considère que la dernière fois, Édouard Philippe nous a dit « Je suis prêt à entendre toutes les modalités de retour à l'équilibre », mais en fait, vous n'acceptez qu'une, c'est que les Français travaillent plus longtemps. J'ai eu l'occasion de vous remettre ce document. Vous savez, c'est pas la révolution, mais ça permet le retour à l'équilibre avec des choix qui sont pas les vôtres. Alors, faire en sorte, effectivement, que la vie des gens soit soulagée après une vie de labeur. Pas qu'on amène les gens à travailler toujours plus longtemps. Ça nous amène à l'âge pivot. Ça nous amène à la question de l'âge pivot, qui, dans l'étude d'impact, évoque 65 ans en 2037 pour ceux qui sont nés à partir de 1975. Tout le débat initial a porté sur l'âge pivot de court terme. C'est Laurent Berger de la CFDT qui l'a mis sur la table. Alors, le Premier ministre a dit on le retire provisoirement et on crée une conférence de financement d'accord. Sauf que c'est un vrai faux retrait, cet âge pivot. Il pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la conférence de financement. Si elle ne trouve pas de solution, on y retourne. C'est bien ça. La responsabilité d'un gouvernement, c'est de construire un socle de solidarité qui soit durable. Le socle de solidarité, c'est le dispositif de retraite. Donc, le gouvernement dit deux choses. Un, les partenaires sociaux ont souhaité pouvoir prendre la main sur les conditions de retour à l'équilibre à court terme financées pour préparer le nouveau système de retraite universel. Le gouvernement a dit « Ok, il y a cette conférence de financement qui va avoir lieu et qui va proposer, et on l'a dit, le gouvernement l'a dit, qui va proposer le retour à l'équilibre. Et si ce retour à l'équilibre passe par un cocktail de mesures qui sont le choix de ceux qui seront dans cette conférence de financement, eh bien, il sera repris par le gouvernement. Et ensuite, il y a, j'ai terminé, la notion d'équilibre qui est à maintenir dans la durée pour le futur système. C'est jouable. Elle a une marge de manœuvre, cette conférence de financement qui démarre le 31 janvier, je crois. Rapidement, sur l'âge pivot, ce que tout le monde doit comprendre, c'est qu'initialement, l'intention du gouvernement était d'appliquer sa réforme à points pour la génération dès 1963. Édouard Philippe y a renoncé, peut-être parce que dans cette génération, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà mobilisés, et il a commencé en 1975. Mais dans le même discours, il annonce que pour celles et ceux qui partiront en 2027, il faudra atteindre un âge d'équilibre 64 ans. Faites un petit calcul de coin de table. 2027 moins 64, c'est 1963. Ça veut dire que... Ça ne vous a toujours pas expliqué quand même quelles étaient les conséquences de la loi Touraine. Donc c'est comme s'il n'y avait rien eu avant l'arrivée. Pas du tout. Mais ça veut dire en l'occurrence qu'à la génération avant 75, on lui dit le système par points ne vous concerne pas, mais l'essentiel des conséquences va vous concerner. Maintenant, moi, monsieur le ministre, on en vient, puisque Véronique Marchand a abordé l'étude d'impact, à une question qui, moi, me taraude ce matin. Après avoir pris les Français pour des idiots, de mon point de vue, en leur disant que vous prépariez un système universel juste et simple, reconnaissez-vous que maintenant, vous prenez pour des idiots les parlementaires que nous sommes ? Est-ce que vous reconnaissez ce matin, monsieur le ministre, que votre étude d'impact est truffée d'erreurs, pourquoi est truquée en quelque sorte ? D'abord, je pose la question, et après, je vous expliquerai pourquoi. Mais je pense qu'il est intéressant, au-delà, parce que Adrien Quatennens aime bien fleurir un peu son propos. Répondez à ma question, monsieur le ministre. De manière à essayer de marquer parce les esprits. Ce qui est en jeu ce matin. Ça lui évite de répondre. Ce qui est en jeu ce matin, monsieur le ministre, c'est la sincérité du gouvernement. Ça lui évite de s'intéresser à la réalité de la durée d'activité qui est prévue dans la loi. Ça lui évite de reprendre les éléments qui sont factuellement inexacts sur lesquels il base son raisonnement. Pardon si cela vous met en difficulté. La réalité, vous lui avez posé une question. Est-ce que vos chiffres sont truqués? Est-ce que vous souhaitez que je vous réponde ou pas? Oui. Allez-y, répondez, oui on perd du temps. Si vous répondre. Laissez-le répondre. Est-ce que je peux répondre? Puisque si vous reposez. Allez-y! Donc, l'étude d'impact, elle est complètement documentée. Elle fait près de 1000 pages. Oui. Et j'imagine que vous les avez déjà étudiées. Et qu'elle est aussi bien, si ce n'est mieux, documentée que toutes les autres études d'impact qui ont été communiquées au Parlement pour les réformes précédentes. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'étude d'impact. Eh bien, si c'est une somme de 20 exemples qui permettent de simuler ce que donnera la réforme des retraites. Ça peut être ça, mais c'est aussi une analyse globale de l'opportunité. Mais allez-y, soyez concrets. C'est aussi une analyse globale de l'opportunité et des conséquences de la loi. Alors, pourquoi dites-vous qu'elle est tronquée? Cet élément est important. Pourquoi c'est important? Parce que il y a dans cette étude d'impact des éléments qui sont sur ce qui va se passer dans le régime futur. Et évidemment, comme il y a de la place pour la démocratie sociale pour cette conférence de financement, il n'y a pas la réponse à ce que la conférence de financement va dire. Qu'est-ce que vous reprochez? Un exemple? Parce qu'il reste que 7 minutes. Un seul qui est central. Une étude d'impact, logiquement, ça doit éclairer le Parlement. Eh bien là, je mets en cause le ministre et le gouvernement d'enfumer une nouvelle fois le Parlement. Je m'explique. Et je vais être très précis, monsieur le ministre, vous allez le voir. Dans l'article 10 du projet de loi, il y a effectivement cette notion d'âge d'équilibre qui se décale en fonction des générations, génération après génération. D'accord ? Sauf que dans l'étude d'impact, vous ne tenez plus compte du tout de ce décalage de l'âge d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez gelé tous vos cas types qui ne sont en fait pas des cas types mais des cas pipes avec l'âge de 65 ans. Ce qui en quelque sorte, Véronique Marchand, est un mensonge éhonté parce que ça majore tous les résultats. Par exemple, le gouvernement a présenté. Je termine. A lu l'étude d'impact, mais pas la loi. J'ai lu les deux, justement. Il y a des contradictions entre votre loi et l'étude d'impact. Du coup, par exemple, dans vos cas types, vous en présentez 28, et sur les 28, avec cette manipulation qui consiste à faire autre chose que ce que votre propre projet de loi préconise, à savoir un report de l'âge d'équilibre, vous faites une petite astuce, vous gelez l'âge d'équilibre pour qu'il n'y ait pas d'impact. Et donc, sur les 28 cas que vous présentez... Je ne sais pas si tout le monde vous suit, là. On décryptera s'il le faut. Il reste que 5 minutes. Donc là, il faut le laisser répondre. Vous prenez les parlementaires, et c'est grave. Vous n'avez pas bien compris sur 28 cas types. Monsieur le ministre. Termine. Sur 28 cas types, vous en présentez 21 comme étant des gagnants. Si on y applique véritablement les âges d'équilibre de votre propre projet de loi, il n'y a plus que 10 gagnants sur les 28. Donc, de la même manière que dans le rapport de Levoix, qui lui minorait le système actuel pour faire croire que le système de demain... C'est un peu les tests complotistes un peu habituels. Tout le monde ira vérifier. Pour traduire votre question de fond... Il y a un complot qui a réussi à déjouer... Pour traduire la question de fond, est-ce que l'âge pivot de 65 ans va bouger? En fait, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis qu'Adrien Quatennens a certainement lu l'étude d'impact, mais pas bien la loi, et c'est dommage. Pourquoi? Parce que ce sont les partenaires sociaux qui vont faire des propositions sur l'âge d'équilibre, et ils feront des propositions. La gouvernance, il y a, c'est ça qui n'a pas encore, bien compris. Donc vos cas, Adrien Quatennens, c'est qu'il y a une dynamique des partenaires sociaux. Et donc après, qu'est-ce qu'il se passe après? Comme il faut bien, et c'est tant mieux, c'était la demande des députés, il faut bien les renseigner sur des cas types. Comment ces cas types sont construits? Exactement comme je l'expliquais il y a quelques minutes. C'est-à-dire que l'âge moyen de rentrer dans la vie active est à 22 ans, la durée d'activité est à 43 ans en 2035, 22 plus 43. Est-ce que l'âge pivot de 65 ans est définitif? Peut-il bouger? Il se décale, c'est dans la loi. On verra ce que proposeront les partenaires sociaux. Donc vos simulations ne seront pas justes. Bien sûr qu'elles sont justes. Elles sont sur des éléments figés qui sont ceux de la loi. Et la position de l'âge d'équilibre, c'est que comme c'est l'équilibre, évidemment, si l'espérance de vie progresse, l'âge d'équilibre pourra progresser. Mais nous verrons que proposera la gouvernance. Un mot sur le niveau des pensions. Qui va décider de la valeur du point? Est-ce que ça va concerner une période, tous les ans ou plus? Comment garantir qu'il n'y aura pas de perte de pension? C'est dans la loi. La valeur du point sera dynamique. Elle sera assise sur l'évolution des salaires, les salaires moyens. Et donc, ça sera bien plus dynamique que l'inflation. La gouvernance fera des propositions sur la valeur du point. Jean-Paul Delevoye, dans son rapport du 18 juillet, avait proposé 10 euros de cotisation pour acheter un point. C'est la gouvernance qui fera les propositions et le Parlement votera ça. Et les pensions déjà liquidées ne seront jamais touchées? Elles ne pourront pas baisser? Où il y a une hypothèse? Les pensions déjà liquidées, vous le savez, il y a des dispositions légales qui font qu'elles sont assises sur l'inflation. Ça sera les mêmes dispositions. Les dispositions pour demain. Légales, la loi, ça se change. Vous la changerez, la loi? Mais là-dessus? Écoutez, on ne va pas la changer. On a déjà eu un échange très clair là-dessus sur l'effort qui a été demandé aux retraités. Ils ont accepté de faire un effort là, sur les deux premières années de notre mandature. Croire, bah, écoutez, je pense que, en tous les cas, la construction que nous faisons et la confiance que nous créons, c'est celle de la redistribution vers ceux qui en ont besoin. C'est les plus modestes. Un exemple sur les femmes, Adrien Quatennens, on entend beaucoup d'adversaires, entre guillemets, de votre projet, dire que finalement, les femmes ne seront pas mieux traitées, contrairement à ce que vous laissez entendre. L'exemple, vous proposez de l'argent et non plus du temps en gain. Jusque-là, 8 trimestres par enfant. Là, c'est du 5%. Ça, c'est une disposition que vous acceptez ou qui vous pose problème? D'abord, juste, s'agissant du débat un peu houleux qu'on vient d'avoir, dire que le Conseil d'État confirme mes dires sur le caractère potentiellement insinsaire de l'étude d'impact. Mettons ça de côté. Vous avez déjà lu les 63 pages. Mettons ça de côté. Allez, revenez pas en arrière, s'il vous plaît. S'agissant des femmes, c'est vrai que ce gouvernement, quand il s'agit de faire des cadeaux aux riches, est toujours très conséquent, mais là, en l'occurrence, il ne sait les faire qu'à moitié. Jusqu'à présent, il fallait attendre d'avoir 3 enfants pour avoir une majoration de pension de 10%. Le gouvernement me dit, nous faisons aux femmes un cadeau formidable, maintenant ce sera dès le premier enfant. Oui, mais ce sera que 5%. 5% qui pourront être affectés à discrétion du couple, à l'homme ou à la femme. Et comme vous savez, Véronique Marchand, qu'en général, dans un couple hétérosexuel, l'homme gagne davantage que la femme, il y a fort à penser que les couples, pour bénéficier d'une meilleure majoration... Donc, juste dire une chose, et d'ailleurs, dans l'étude d'impact, on voit bien qu'une femme née en 1990 qui part à 62 ans sera effectivement grande perdante de cette réforme des retraites. Vous avez troqué le temps contre l'argent. Mais ça, les femmes n'ont plus le choix. Non, mais moi, j'ai 2 filles. La réalité, Véronique Marchand, c'est, et tant mieux, c'est que le taux d'activité des femmes progresse. Oui. Que les attentes des femmes, c'est de voir évoluer leur salaire. Et à l'arrière, ça fait l'objet d'un débat sur lequel on pourrait être d'accord tout à l'heure. Mais et donc, vous ne leur avez pas laissé le choix. Leur montant de pension. Parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on contribue à paupériser les femmes en leur mettant de la durée et pas des montants de pension qui compensent le préjudice de carrière. Parce que celles qui ont le préjudice de carrière, ce sont les femmes. Et elles attendent que cela soit compensé par de la rémunération. Donc les femmes auront désormais de l'argent, mais pas du temps pour compenser les maternités et le temps partiel. On conclut les ordonnances, la procédure accélérée. Le patron du PS, Olivier Faure, parle de déni de démocratie. Oui, il faut un tout petit peu, j'entends qu'il y a des postures politiques. Olivier Faure doit sans doute méconnaître la réalité de toutes les autres réformes qui ont porté sur les retraites, puisqu'elles ont toutes été faites en procédure accélérée, y compris celles qui ont été portées par le PS, mais c'est sans doute un oubli de sa part. 10 secondes, Adrien Quatennens, une procédure accélérée au Parlement. Vous n'êtes pas content? Personne n'est content dans l'opposition, qui n'est pas unie d'ailleurs. Et vous avez 10 secondes pour répondre. Il y a non seulement la procédure, mais aussi les éléments qui nous sont donnés. Moi, je crois une chose, c'est qu'après 50 jours de grève, les Français ne veulent pas de ce projet de réforme. Et vous savez, il y a quelques jours, on a vu Emmanuel Macron s'inspirer dans les rues de Jérusalem de Jacques Chirac. Je crois qu'il ferait bien de le faire jusqu'au bout. Jacques Chirac, lui, sur le CPE, alors que la loi était à l'Assemblée, il l'avait retiré. Je pense que l'avenir du système par points en France, effectivement, c'est son retrait et qu'on peut faire tout autre chose. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici l'été, date a priori de publication de la future loi sur les retraites. Merci, messieurs, pour ces échanges. Merci à très bientôt.